mai de l'année 2022. C'est le moment où ce qui est produit, cet enregistrement, cette discussion en conscience avec Mona, que vous pouvez voir à l'écran. Et ici, David, que vous entendez au micro. Donc, il me fait plaisir de t'accueillir, Mona. Et pour les gens qui nous écoutent, donc pour te mettre brièvement en contexte, tu es une personne qui donne des cours de yoga et également de pilates thérapeutique depuis plusieurs années. Et puis en même temps, tu aimes commenter aussi avec moi l'actualité là, au fil du temps. Ouais. Donc, Intéressant. Présentement, il se passe des choses. oui, il se passe plusieurs choses et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je t'ai proposé de faire un entretien. On est sur plusieurs fronts en même temps, c'est-à-dire d'un côté, il y a toujours la crise sanitaire qui se déroule. Et en même temps, eh bien, il y a le conflit en Ukraine qui se déroule simultanément. Et je pense qu'il y a plusieurs choses d'intéressantes à commenter là, par rapport à la nature des événements qui se déroulent à la fois au niveau international et aussi local. Et comme les propos aujourd'hui, eh bien, on va s'exprimer librement, eh bien, j'invite les gens qui seront intéressés à écouter notre entretien au complet, à aller sur Odyssey, qui est ma chaîne sur un site web là, qui permet une grande liberté d'expression. Donc, par rapport au lien de notre entrevue d'aujourd'hui, eh bien, je vais le mettre en bas de la vidéo présente pour que les gens qui voudront l'écouter puissent le faire, parce que c'est sûr que l'optique de l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est de permettre à chacun de s'exprimer librement, que ce soit un espace de communication libre. Et c'est la raison pour laquelle je vais proposer là, d'aller sur Odyssey. Donc, c'est sûr qu'on peut rappeler d'entrée de jeu que, bon, tu donnes toujours des cours de yoga et de pilates là, à la fois en personne et en ligne. Tout à fait. Mais sur le privé, c'est en ligne pour les gens qui veulent privé, mais j'enseigne maintenant en studio la plupart de mes cours en gros, petits groupes. Parfait. Et tu fais toujours de la consultation en coaching de psychologie évolutionnaire? Oui, à l'occasion. Dans le sens que je prends vraiment très peu de gens, une ou deux personnes dans l'année, puis c'est tout. Parce que je travaille avec des gens qui sont prêts à bouger. Moi, je suis une personne que c'est vraiment dans l'action que ça se passe. Donc, puis je veux pas que ça devienne une source de revenus, alors. Bien, c'est bien que ça soit ici, comme ça te permet d'être plus objectif dans ta démarche. Autonome, toujours l'autonomie. Voilà, fait que ces petites annonces étant faites, eh bien, on va débuter à proprement dit. Donc, tout d'abord, au moment où est produit cet enregistrement, toi, tu as participé à une marche qui s'est tenue à Montréal. Donc, qui a été organisé par Dan Pilon, qui est un lanceur d'alerte québécois là, qu'on voit souvent là, intervenir là, sur Facebook. Et il passe aussi de plus en plus sur la chaîne de Théo Vox aussi. Sur Odyssée aussi, il est sur Odyssée aussi maintenant. C'est Dan Pilon, libre penseur. Je dis ça parce que des fois, quand on cherche Dan Pilon, on ne tombe pas sur la bonne chose. Hein. Oui, Parfait. c'est ça, un bel événement du 1er mai. Il avait organisé, je peux en parler un petit peu, Ben oui. j'étais allée marcher 2 heures et demie de temps. C'était ma dernière participation à une marche. J'ai fait à peu près toutes les marches depuis 2 ans. Puis j'ai vu quand même une très belle progression aujourd'hui. Vraiment, il y avait beaucoup de monde. Et vraiment, une ambiance comme on aimerait vivre encore aujourd'hui. C'est ça, je me rends compte que les gens dans ces environnements-là sont pas mal plus sympathiques et civils que ceux que je croise à l'épicerie ces derniers temps. Donc, l'événement s'est tenu à Montréal donc le but de l'événement, c'était quoi? Les masques, terminés. On ne porte plus le masque, c'était le thème. On jette nos masques. Ça fait un moment, moi, que je porte plus de masque en passant. Ça fait déjà vraiment plus, là, depuis 2 semaines, puis je me fais même pas. Les gens me questionnent même pas. Il n'y a personne qui m'emmerde. Peut-être que j'ai une bonne vibration puis un beau sourire, pas de masque. Mais vraiment, ça change beaucoup au Québec. Je suis très contente de voir ça. Il y a un mouvement très discret de c'est pas les, comment dirais-je, c'est pas le, on n'est pas un peuple qui se met à crier ou à gueuler, mais je me rends compte que les gens font ce qu'ils ont, ce qu'ils commencent à trouver ça ordinaire d'aplomb, puis on se fait plus emmerder, là. Comme je me suis fait emmerder il y a 2 ans quand je portais le masque en bas du nez, c'était quelque chose, hein, mais non. Là, c'est bien relax. Fait que, il y a quelque chose qui bouge, c'est Bien, tant intéressant. mieux pour ce qui est de la manifestation auquel tu as participé, parce que je veux en parler avec toi, étant donné que probablement que TVA ou Radio-Canada n'en parlera pas, ou s'il en parle, ça va être de manière à discréditer ou à minimiser l'événement. Puis rajouter une coupe de zéro, je vous le dis tout de suite. Donc, bien, c'est là que j'allais en venir. Est-ce que tu évaluais qu'il y avait plusieurs milliers de personnes? C'est dur à évaluer, mais Dan Pilon va revenir là-dessus parce qu'il y avait quand même du budget pour prendre des photos avec des drones là, de tout ça. Mais je peux vous dire que ça se passait au coin de Pinneuf et ça partait de Viau-Sherbrooke. Puis c'est le tour complet du Stade olympique, Jardin botanique. Juste à partir de Sherbrooke, on a déjà 4 km d'un côté et 4 km pour revenir. Donc c'est une marche d'à peu près 8 km. Ça prend à peu près 2 heures parce qu'on marche pas vite, puis c'est très relax, là. Mais moi, je dirais un bon, pas loin d'un 75 000 personnes. Bon, et les gens, j'imagine, ils marchaient sans porter le masque. Personne n'avait le masque d'en face, même la police n'avait plus de masque. Il y avait beaucoup de policiers de la ville de Montréal, au moins ceux-là sont identifiables. Mais je pense que les milices sont parties à Ottawa. Mais bon, bref. Très relax, les policiers. Moi, je prends toujours le temps de parler aux policiers, de leur dire merci, de ne pas nous en... d'être gentils avec nous. Je le dis de même en passant. Merci d'être gentils avec nous. Ils étaient tous très gentils. Bon, ça ne veut rien dire. Des fois, ils peuvent avoir la commande de faire ceux aussi, mais pour aujourd'hui, le 1er mai, ils étaient sans masque et ils avaient tous le masque en bout de là. Il y en a qui n'en avaient carrément pas. Il était très sympathique. Puis ça, c'est vraiment très agréable. Il y avait plein de lanceurs d'alerte, mais pas de vedettes là, dans la foule. Puis marcher, c'était très, très relax. Je vous dirais que c'est un bain de plaisir et de joie. Tout simplement. Ben, tant mieux. C'est sûr que probablement que, étant donné que pour le 14 mai, le gouvernement actuel, là, on a annoncé que le port du masque, là, ça devrait, dans le fond, ne plus être obligatoire, là, de ce que je comprenais en écoutant le Boileau, là. Oh non, Monsieur Boileau, il boit de l'eau, l'eau, l'eau, je ne suis pas capable. Parlez-moi pas de lui, il n'y a pas de vie là-dedans. Je ne sais pas si vous avez regardé cet homme-là de proche là, à la TV. Moi, ça me fout la trouille ce que je vois quand je regarde cet homme-là. Il n'est pas là, il y a quelque chose d'autre. C'est vide, vide, vide, vide. Une Ben, coquille d'œuf vide. mais en même temps, c'est pas un comique, là. C'est sûr que c'est pas comme Arruda, là. C'est pas un monsieur aussi enjoué que lui. Mais je veux dire, c'est pas un comédien, là. C'est pas un animateur de foule. Fait que moi, je m'attends pas à quelqu'un qui soit très sympathique, qui occupe un poste de direction comme ça, là. Excuse-moi, David, c'est en dehors de la sympathie. Il faut l'écouter en conférence de presse. Il bégaye. Peut-être que. Non, excuse-moi, là. Arruda, c'est un clown, mais lui, c'est un con. Un mort vivant. Non, je n'ai pas d'empathie pour ces gens-là. Je suis désolée. J'ai même pas d'excuses. Ils sont pas excusables. Je suis désolée. J'ai pas de haine envers les gens qui se font manipuler par de la désinformation, les individus. Mais j'ai pas d'empathie ni même de sympathie pour des gens qui savent ce qu'ils font en mentant en face de tout le monde avec un air de neutralité. Non. Je suis pas naïve à ce point-là. Mais il dit ça le 15 mai, mais le gouvernement, la seule fois qu'il a reculé, c'est quand les gens se sont levés à Ottawa puis au Québec. Ils ont reculé quand on s'est levé. Il faut se lever, c'est ça que je veux dire. Dire non, peu importe ce qu'on fait, il faut prendre conscience qu'ils nous manipulent. Puis ils nous mentent. Ils veulent intégrer ce qu'ils veulent, c'est l'objectif, c'est le numérique. Ça, c'est clair qu'ils veulent l'identité numérique. Puis ça, si ça rentre, les amis, là, vous êtes cuits. Cuits, cuits, cuits, cuits, comme les petits oiseaux dans ma cour. Bien, justement, c'est-à-dire que le crédit social pour l'Italie, pour l'automne 2022, en Bologne, ça a été annoncé que ça allait être intégré et ça allait être pour récompenser les comportements vertueux des citoyens, comme les gens qui vont faire du recyclage, utiliser le transport en commun et les gens vont accumuler des points, puis ils vont pouvoir avoir, par exemple, des activités culturelles gratuites. Donc, à mon avis, c'est un dangereux précédent là, qu'on cherche à implanter ça en Europe. présentement? C'est déjà testé ici, hein, je crois. J'ai vu ça quelque part, là. Ça serait sur le test ici, au Québec. Ah, tu Non, vois, je n'étais pas au moi, je courant. trouve l'information, je m'excuse, mais je ne veux pas noter l'information, mais ils testent, hein, avant de mettre en marché quelque chose. Mais non, non, c'est important que l'identité numérique, qu'on soit vraiment très lucide, là, parce que ça, c'est. Le crédit social, David, ça existe depuis longtemps, là. Ta cote de crédit, c'est du crédit social en passant. Nos codes de crédit bancaire, là, tu sais, quand tu veux faire un prêt et qu'ils font une petite Oui, tu enquête. vas sur Equifax pour vérifier c'est quoi ta carte de crédit pour voir si la personne est solvable pour avoir un prêt hypothécaire pour une maison. Toutes ces choses-là, c'est Oui, déjà là, ce c'est mécanisme-là, ça. mais Mais là, la ça. particularité, c'est de le mettre en relation avec d'autres variables. C'est-à-dire, ici, on parle du recyclage, mais ça peut être tes comportements d'achat. En plus de tes comportements d'achat, tes comportements au quotidien, un peu comme c'est fait dans certaines régions de la Chine, où si la personne fait la délation, elle a des points, des choses comme ça. Ben, il y a ça, mais le plus grave danger, c'est pas ça. C'est quoi? L'identité numérique, ça vient avec tes informations de crédit, ton compte bancaire, tes informations médicales et pharmaceutiques, plus tes assurances. Allô, la Terre? Ouh! C'est plus du crédit social, c'est une dictature, ça. Mais en crise du crédit social, ce serait rien que ça, des petits points de droite à gauche, ce serait pas si pire, mais c'est pas ça le but, David. Le but, c'est de contrôler. Ils ont bloqué les comptes bancaires de gens qui contribuaient pour les Convoy Canada, là, des gens comme toi et moi qui contribuent. Ben, peut-être pas toi, mais moi, j'ai contribué ou d'autres. Ils ont bloqué les comptes bancaires des gens. Vous pensez qu'en numérique, ils le feront pas? Vous pensez que vous allez être exclu Bien, de c'est ça? sûr, par rapport aux manifestations à Ottawa, il y avait des gens impliqués dans les manifestations que leur compte bancaire a été bloqué. Donc, Tout à fait. c'est un Des enjeu individus qui ont précédent. été prouvés qu'il n'y avait absolument aucun complotiste là-dedans, puis de gens débiles. C'est des individus, des millions de gens qui donnent un petit 20, puis un 40, puis un 50 piastres. Ils ont bloqué ça, mesdames, messieurs, là. Puis on va penser qu'on va être en dehors de ça. Il faudrait arrêter d'avoir la tête dans le cul au Québec, là, puis sortir de là, là. Parce que si ça rentre, moi, de toute façon, j'ai tout vendu, puis je décalisse du pays. Mais c'est pas. Ça, comment dirais-je? Individuellement, j'ai pas de problème. Je peux toujours m'en sortir, je le sais. Je suis informée d'avance, en plus. Fait que je sais quoi faire, mais collectivement, on ne se rend pas compte dans quelle dictature qu'on rentre. Le monde a de la misère à comprendre le mot dictature. Ils sont tous sur le cas de Poutine, qui est un dictateur, qui est faux en passant. Mélangeons pas l'URSS par Russie, là. Il faudrait s'informer. L'URSS, c'était une dictature, mais la Russie n'est pas une dictature. Mais c'est quand même un régime autoritaire dans le sens que Non, pas autant que tu le penses, David. C'est bien moins autoritaire qu'ici. Nous, on a deux partis qui sont représentés. Ils ont cinq, six partis représentés en Russie, plus les oligarches qui créent de la tente, tu sais, d'autres affaires. C'est une forme de démocratie, mais si le mot démocratie veut dire quelque chose, parce qu'il faut quand même comprendre qu'ici, on pense qu'on est dans une démocratie quand on n'est pas dans une démocratie. Quand les journaux vous mentent, quand les téléviseurs, les gens à la télévision vous disent n'importe quoi, quand votre gouvernement vous ment à fond la caisse. Parce que les gens malades, moi, je le vois dans mon studio, là, c'est toutes des doubles vaccinés qui sont tombés sur le cul, puis à l'automne, ça va tomber encore plus fort. Je sais pas, là, réveillons-nous. Puis arrêtez de dire on peut rien faire, ça, c'est le néo-crétinisme du Québec. Je suis plus capable d'entendre celle-là. On peut rien faire. Mais si tu peux rien faire, c'est quoi cette attitude, on peut rien faire? C'est du néo-crétinisme, le néo-chrétien qui reste, là, que la religion nous a étampé dans le front, gros comme le bras. C'est pas vrai qu'on peut rien faire, ils ont peur de nous. Ils ont peur du fait que vous dites non. Parce que quand tu vas dire non, il y en a d'autres qui vont dire non, puis il y en a d'autres qui disent non. Puis là, à un moment donné, ils n'ont plus le pouvoir comme ils voudraient. Mais en tout cas, je suis partie. Parce que ça me choque Non, de non, mais voir c'est correct, mais le paradoxe. l'inertie du Québec, l'inertie des gens qui se disent intelligents et conscients, l'inertie, vous êtes dans l'inertie. L'intelligence, c'est dans l'action. Fait que faites-moi pas chier avec « Oh, moi, je suis un être développé et conscient. » Bullshit. Bullshit. Bullshit-moi. Travaillez avec les anges, puis les archanges, puis votre corps éthérique. Arrêtez de me faire chier. Il n'y a pas de porte de sortie. C'est ici que ça se passe, Chris. Je ne sais pas quand est-ce que le monde va l'intégrer, celle-là, que c'est dans la forme qu'on rentre dans notre autorité. C'est pas en pliant les chines, en faisant les hypocrites, puis « Ah ben là, ça me tente pas aujourd'hui. » Hey! Hey! Moi, je me bats pour mes deux gars. Le fait que mes deux gars qui sont jeunes puis qui comprennent rien de ce qui se passe sont trop Mais à jeunes. la Moi, base, faut le faire pour soi. Tu sais, faut que ce soit un mouvement je fais pour individuel. eux, pas pour moi. J'ai pas besoin de ça. Je pourrais crisser mon camp demain matin, c'est pas ça. Bien, par rapport au Québec, mais je veux dire quand même, si tu fais, en tout cas, moi, c'est mon principe. Si je fais une action, comme quand j'ai été manifester au Parlement de Québec il y a quelques mois, bien, fondamentalement, j'y étais pour moi en tant qu'individu. Oui, je comprends, mais toi, tu n'as pas d'enfant. Pour l'instant. Ben, c'est ça. C'est correct, j'ai pas de problème avec ça, David, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois l'avenir pour mes gars. Moi, je vais être morte ou ailleurs. C'est pas moi. Tu sais, c'est pas dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an que le pire qui va arriver, là. C'est dans les 4-5 prochaines années, là. Je suis rendue à 61 ans. À la retraite, peut-être que j'aurai plus rien, puis je roulerai des crottes dans mon coiffe, je ne sais pas. C'est pas important, ma vie est faite, ce que je veux dire. C'est le plus gros de ma vie est faite. Fait que je me bats plus pour mes gars. Tout à fait. Puis j'ai pas honte de le dire. Puis si vous me trouvez spirituel, je m'en contrefiche. Parce que moi, je trouve pas ça spirituel de se battre pour les jeunes générations. Au contraire. Y a des jeunes qui suivent, qui s'en viennent, qui vont être traumatisés. Regardez les enfants, de quoi ils ont de l'air présentement, là. Tu lui souris, puis on peut. Chris. Va pas bien. Les jeunes, là, qui ont été ostracisés dans les écoles avec des masques dans la face pendant 2 ans, pendant 7 heures par jour, là, pensez-vous que quand ils nous voient sourire, des fois, je vois les enfants, je leur souris, puis ils sont là. J'ai jamais vu ça de ma crise de vie, les réactions de même. C'est quoi, cette affaire-là? C'est parce qu'ils doivent être déstabilisés parce qu'ils sont habitués de voir des gens avec le masque au visage. Ben, ils sont déjà thinking, là. Sont dénaturés avec un conditionnement social. Complètement. Ouais. Donc, C'est triste, puis c'est pas vrai quand je peux rien faire. On peut faire quelque chose. On peut au moins dire non à des conneries, genre le masque d'en face. Ça protège personne. C'est rien qu'un signe de domination. Fait qu'on aime ça être dominé au Québec. C'est ça, je comprends, là. Puis on est des moutons, des moutruches, là. Ah ben là. Franchement, on est en 2022, pas en 1932. Hey! Trouvez-moi des études qui prouvent que ces masques fonctionnent. Puis je parle avec plein de médecins et des infirmières. Les masques, quand ils portent ça dans la face, c'est pas pour les virus, c'est pour les bactéries, les amis. Bactéries. Les bactéries, c'est 10 fois, 15 fois plus gros qu'un virus. Ces masques-là bloquent certaines bactéries, mais jamais un virus. Alors, ça présente quoi, les masques que vous portez à l'épicerie à faire les cons? De la soumission. Puis après ça, on vient me parler d'individualité puis se tenir debout. Ben oui. T'es soumis à l'autorité d'un gros connard qui s'appelle Legault. Même plus capable de lui dire le nom, tellement j'ai envie de vomir. Puis comment il s'appelle le ministre de la Santé? Je me rappelle même pas plus. Boileau. Boileau. Alors, on va au mois Mais de mai, il remet plus là. tard. Moi, Tirer ça au mois de juillet. ben c'est ça, c'est parce que là, c'était supposé être au mois d'avril. Puis là, il a reporté ça. Ça a été le 1er mai. Puis là, c'est reporté le 14 de mai. Puis peut-être que ça va être au mois, comme tu dis, au mois de juillet ou peut-être jamais, là. Tu sais? Mais non, mais c'est le but, c'est d'étirer ça jusqu'à l'identité numérique, puis nous faire chier, puis de nous habituer à être docile. Mais si vous acceptez d'être docile, vous allez crever là, parce que ce qui s'en vient, c'est pas Jojo. En passant, les masques, le monde qui l'ignore, qui respire là-dedans, le graphène, savez-vous ce que ça fait dans votre. Parce que dans les masques, il y a du graphène, non? Ben, ça dépend lequel. Le masque bleu, là. Le bleu. Oui, le Celui masque qui de procédure, là. En fait, il y avait des masques de procédure. Apparemment, il aurait été enlevé aux élèves qui comportaient du graphène, puis là, il y aurait donné d'autres qui seraient corrects. Ouais, mais le graphène, sais-tu qu'est-ce que ça fait? Ils ont porté ça pendant un an et demi pareil, là. Ça Vas-y. s'en va boucher les alvéoles de vos poumons. Bravo! On loge pas. C'est ça que ça fait. Fait qu'il tout suit les consignes du gouvernement si vous assurez d'être malade puis de rendre vos enfants malades. C'est ça la réalité. Fait qu'à un moment donné, il va falloir les porter nos hosties de culottes. De toute façon, ça va venir. Je l'ai dit que la révolution tranquille du Québec serait pas tranquille. Check bien ça, je n'ai toujours pas lâché le morceau. Ben, on va voir, parce que c'est sûr que ça fait quand même plusieurs années qu'on discute ensemble. Une fois de temps en temps, on fait une capsule audio, puis on fait le suivi par rapport à certains dossiers, là, comme là, c'est sûr, c'est encore le suivi du dossier de la COVID, la COVID-19. Dit aussi, la Ouais. COVID dit aussi, oui. Ouais. Bon, en tout cas, les gens dans les hôpitaux, ils nous disent des affaires comme. Je ne sais pas si les gens ont pris connaissance des données de Pfizer. Tiens, ça peut être intéressant cet aspect-là, parce que moi, je regarde sur un réseau qui s'appelle réseauinternational.net, Puis ils sortent, les gens sont peut-être au courant que ils sortent les données, c'est 55 000 pages par mois depuis le mois de mars, ils ont été obligés par la Cour suprême des États-Unis à sortir leurs données puis leurs expériences, parce qu'on est dans une expérience, nous, les cobayes, là. Et ce qui sort est effrayant. Vous ne le verrez pas à la télévision, les amis, vous ne le diront pas, mais c'est un génocide. Puis Pfizer le savait. Il savait que ça créait des thromboses, il savait que ça créait des morts. Puis là, ils disent un mort sur 50 000, deux morts sur 50 000, gros max, c'est faux. C'est absolument faux, puis c'est dans les données de Pfizer. Ils n'ont pas le choix de les sortir. Allez voir sur réseauinternational.net. C'est très indiqué. Puis il y a plein de choses qui est indiquées aussi, comme ils savent plein de choses avant même de vacciner les gens, qu'il y aurait beaucoup plus de problématiques d'effets secondaires. Tous les effets secondaires qu'on essaie de vous dénier, là, sont inscrits dans la liste de Pfizer. Puis en plus, ils ont même démontré que le groupe placebo versus les vaccinés, pas vrai que ça protège des maladies la plus grave, comment ils disent ça, là? Ah ben là, si t'es vacciné, ça t'empêche d'avoir la maladie La d'être moins. forme grave de la COVID. Ben oui, c'est l'inverse que ça fait, les amis. Plus vous êtes vacciné, plus vous allez être malade à l'automne bientôt. Ça scrappe votre système immunitaire, Chris, c'est pas compliqué. Sans parler des embolies que ça crée. Il y a des médecins, là, il y a un médecin qui a sorti en Angleterre là, des prises. Comment il s'appelle, lui? Des gens qui font des embaumes. Les gens qui. Thanatologue. Un thanatologue, c'est ça? Écoute, Oui, le il mot sortait embaumeur existe. des caillots de l'artère principale là, dans la hanche, en avant. Il sortait des caillots, là. Le monsieur ou la madame qui était à sa table était mort. Le monsieur, il sortait un caillot de sang. Il est mort d'une embolie suite à la vaccination. Continue à aller la vaccination. Des millions de morts! Ça va sortir. C'est une question de temps avant que les gens vont s'en rendre compte quand tout le monde va avoir un mort dans sa famille, là. Qu'est-ce que ça va faire, ça, vous pensez? Ça va rien créer une crise de chaos et une révolution? Exactement, mais pendant ce temps-là, le Pfizer Gate, que certains appellent sur les médias alternatifs, puis là tu décris certains éléments liés avec ça, ben présentement c'est silence radio sur les médias de masse, C'est que ce ça, soit il faut arrêter TVA de les écouter, les médias de masse, puis s'informer. C'est notre responsabilité, David. C'est ça que j'essaie de dire aux gens. Je sais que les gens qui t'écoutent sont déjà sensibilisés. Mais il faut le parler. Moi, j'en parle. J'envoie les documents de Pfizer. J'en ai envoyé à des gens. Hey, regarde, va lire ça. C'est pas moi qui l'invente, ces bols, là. Mais si vous attendez que la télé vous donne l'information, vous allez attendre longtemps, Calvette. Ça fait longtemps qu'ils nous formatent, là. Pas rien que depuis le COVID, c'est ça. La télévision, c'est à ça que ça sert. Ça a fait rentrer dans vos maisons une façon de vous formater. Oui, c'est ça, de nous programmer. C'est un petit peu comme la radio qui avait été démocratisée par l'Allemagne nazie, alors qu'Adolf Hitler était un très bon orateur à la radio. Ça. Ah oui, puis en passant, quel film j'ai vu dernièrement? La filière française, je crois. Non, c'est pas la filière française. Il y a un film sur. Ah, oh, ça me revient pas. Il n'y a pas de mémoire. C'est compliqué. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais c'est un film sur justement la montée d'Hitler en Allemagne, comment ça s'est fait. Très bien fait, mais le titre ne me revient plus. Ça va peut-être me revenir. Là. Mais c'était plus près d'une certaine réalité que ce qu'on a vu. C'est un orateur. Puis il a été élu par le peuple, exactement comme on vit ici, les gens qui écoutent la télévision, qui sont en train de washer, puis que c'est le problème, c'est les non-vaccinés. Mais c'est ça. Ils ont élu Hitler en pensant qu'il allait sortir du trouble, pensant qu'il promettait des choses, mais à un moment donné, il y a des Allemands qui se sont rendus compte que il n'était pas ce qu'il disait, lui-là. Exactement. Puis quand il a Quoi, par été exemple? élu démocratiquement, C'est il ça. s'est organisé pour créer un problème qui a amené une réaction du peuple favorable à ce qu'il ait plein pouvoir, puis présenter la solution, ou ce qui prenait le contrôle total de l'Allemagne sous la menace. Puis aujourd'hui, nos dirigeants, sous la menace de la COVID ou sous la menace que la guerre s'étale en lien avec l'Ukraine, vont se donner des pouvoirs qui n'auraient pas autrement, là. Exact. Ben, si les gens veulent comprendre un petit peu comment ça s'est monté, l'Allemagne, c'est. Moi, j'ai bien aimé Psychologie de masse de Wilhelm Reich, Psychologie de masse du fascisme. De Wilhelm Reich, c'est un Allemand qui a écrit justement, c'est un Allemand qui était conscient de ce qui se passait en Allemagne, puis il y a eu bien des soucis, là. Mais il a écrit un super bouquin qui s'appelle Psychologie de masse du fascisme, que j'ai lu quand j'étais à l'université, j'avais 20 ans, là. Très bien écrit. Puis il a écrit un autre petit livre, c'est Écoute, petit homme en prison d'ailleurs, qui est très bon. Écoute, petit homme de Wilhelm Reich. Il parle à l'ego, entre autres. Mais ceci dit, c'est un peu la reproduction de ça qu'on voit aujourd'hui en termes de propagande. Exactement. Une Et suite. c'est sûr qu'avant qu'on se parle aujourd'hui, je t'avais partagé entre autres une vidéo puis même un article en lien avec le confinement à Shanghai là, qui est incroyable là, en termes d'expérimentation de masse, là, des millions de personnes qui se voient confinées, des familles dont leur enfant est retiré, si l'enfant est testé positif par rapport à la COVID. Ça va loin, là. Tu sais, t'es rendu au stade où ce que tu retires des enfants d'une population pour les mettre dans des lieux de détention, des unités de surveillance pour les gens qui ont la COVID ou des gens retirés de leur famille, puis c'est dans des espèces d'unités avec un lit en bois, là, tu sais, pendant... En tout cas, j'ai l'impression d'être dans une dystopie, là. Ben, en passant, c'est drôle, aujourd'hui aussi, moi, des fois, quand je rencontre des Asiatiques dans les rassemblements, comme ils sont rares, comme la de pape, j'ai tendance à aller vers eux. Puis aujourd'hui, je parlais avec une dame, une Vietnamienne qui était là. Je suis contente de voir une représentante de la communauté asiatique, parce que mon chum est asiatique, puis je peux vous dire qu'ils dorment sur la switch d'aplomb, là. Ils ont peur. La peur est tellement bonne conseillère. Mais eux, ils ont connu tellement d'ostracisation puis de domination depuis des milliers d'années. Ils sont là-dedans dans la mémoire de la peur tout le temps. Et cette dame-là qui me dit, puis je te l'avais déjà parlé, j'ai aussi ma dame au dépanneur auprès de chez moi, la dame qui est là, c'est une Chinoise. Et les deux m'ont confirmé qu'à Shanghai, premièrement, c'est pas vraiment contre le COVID, hein. C'est parce qu'il y a une révolution qui se prépare. Puis pour empêcher que la révolution se lève, parce que le peuple commence à se lever en Chine aussi. Pour empêcher ça, ils ont confiné Shanghai, mais c'est pas juste Shanghai, c'est 193 millions de personnes qui sont confinées, puis Shanghai, c'est 24 ou 26 millions. Là, ils ont bloqué toutes les ports, pour créer une rupture de la chaîne alimentaire. Donc, c'est 193 millions de gens confinés. Et on vous parle juste de Shanghai, mais c'est pas juste Shanghai, c'est ce que je dis. Et c'est confirmé par des gens qui viennent de là qui me le disent. Puis c'est une révolution qui essaie de contrer, entre Bien, autres. ça me surprend pas parce que j'ai tombé sur un article du Journal de Québec. Et dans le Journal de Québec, c'est l'article d'ailleurs que je t'ai partagé. Il était question qu'un des éléments, c'était permettre à Pékin d'asseoir davantage son autorité sur Shanghai puis pour éviter des soulèvements, là. C'est Tu sais, ça. c'était carrément décrit que c'était une mesure de contrôle social. Oui, mais on peut l'inverser, comme tout est inversé, c'est qu'ils n'essaient pas d'asseoir leur autorité. C'est plutôt parce qu'il y a une révolution qu'ils sont en train de perdre le contrôle qu'ils ont essayé de rabattre tout le monde. Mais je te le dis, je pense pas que ça va marcher. Ils vont se faire. Tout va tomber de ça, de toute façon. C'est une question de temps. Moi, je vois ça sur gros max un an, là. 2023, ça va être explosif. Bien, ça l'est déjà en 2022, dans le sens qu'à Shanghai, selon l'article, il y a des gens qui ont des problèmes à avoir accès à de la nourriture parce qu'ils sont confinés chez eux. Puis là, si les gens qui font la livraison sont confinés aussi, mais là, tu te ramasses à des gens qui n'ont pas accès à de denrées alimentaires. Apparemment, le soir, il y a du monde qui se met à crier un peu partout parce qu'ils sont vraiment en colère, étant parqués dans des immeubles puis ils n'ont pas le droit de sortir. Moi, on a vu ça beaucoup, mais moi, je te l'avais exprimé un petit peu, ce que je trouve difficile avec la Chine, puis que j'ai pas tendance à trop écouter ce qu'ils disent, parce qu'on le sait pas, ce qui sort de la Chine est contrôlé, anyway, tu sais. Oui. Là, il y a quelqu'un qui me disait, ouais, ben, eux autres qui prennent des images de ça quand même, puis envoient ça sur le téléphone. Ben oui, mais ton téléphone, il passe par une ligne Internet, là. C'est pour envoyer ça à l'étranger. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mucus aujourd'hui. Mais bref. Ce qui sort de la Chine, on ne peut pas savoir c'est quoi l'objectif. C'est-tu réel les images qu'on voit? Je ne le sais pas. T'sais, rappelez-vous, les amis, là, que dans le temps du COVID-19, il y avait ils nous montraient des gens en Chine qui tombaient à terre sans connaissance, morts, sans bang à terre, là. Oui, dans des rues, là, avec le La masque d'en propagande, face. c'était même pas réel, c'est Oui, pas vrai. Comme c'était on en voit en 2020. passant des cadavres qui bougent en Ukraine, qui sont à terre et qui se mettent à bouger d'un coup, hein? Étrange! Il y a des films de ça là, sur des réseaux très spécialisés, dont Boutcha, là, où ce qu'ils disent qu'ils ont tué trois, les Russes ont tué 300-400 Ukrainiens, puis ils ont filmé, puis ils ont comme pogné quelqu'un en train de bouger, le cadavre bouge d'un coup, tu sais. Hey! Arrêtez, c'est de la propagande des deux bords, que ce soit la Russie, la Chine, l'Ukraine, les États-Unis, le Canada. On est en temps de guerre. C'est sûr que la propagande, il va à fond la caisse des deux, de tous les côtés, là. Exactement. Alors, la vérité, on va la savoir rien que probablement, comme dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, une partie de la vérité, quand on a fini par comprendre qu'il y avait tué, je sais plus combien, 7 millions de Juifs, là, mais que pendant la guerre, il ne tuait personne. Voyons donc. Des fous qui disent ça. La vérité est sortie pareil. Moi, je dis tout le temps, le mensonge prend l'ascenseur, puis la vérité prend l'escalier. Un jour ou l'autre, elle arrive en haut, là, la petite C'est comme crédibilité. pour la justice. Exact. C'est-à-dire que tôt ou tard, la justice va faire son chemin. Ouais, c'est juste une question de Il y temps. a des changements sur la planète, si on peut parler de conscience, parce que c'est un peu ça notre objectif aussi. On sait qu'il y a des changements de vibration très importants. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi, il y a des jours où je tremble, hein, mais je suis comme ça, là. Mon corps, il y a tellement de descente d'énergie dans mon corps, puis je n'ai pas le Parkinson, là, je ne shake pas aujourd'hui. Mais il y a des, je sais c'est quoi des descentes d'énergie, je le sens depuis longtemps, depuis des années que je vis ça, mais là, c'est intense en tabarnouche. Il y a du monde qui vont y passer, rien qu'avec ça, une crise de cœur, parce que des descentes d'énergie, c'est pas juste l'astral qui descend, il y a d'autres choses qui descendent, il y a de l'énergie plus fun qui descend aussi dans les corps qui sont capables de contenir ça, et c'est du stock, là. Tu vois, moi, de mon côté, je vis pas ça présentement. Pas de tremblement, ni de descente particulière. Chacun son... J'ai pas Oui. de comparaison à faire, mais moi, je le sais que c'est ça, je le sens, ça rentre par ici, là. Puis là, tous les corps s'ajustent, mais ça rend fébrile le corps. C'est pas, pas que je suis mal, je suis très bien, je suis de bonne humeur, tout va bien, mais mon corps tremble. Et ça a duré 2, 3 jours il y a 2 semaines. C'est revenu un peu cette semaine, une journée. Puis là, ça dépend des jours. Mais c'est pas un inconfort, c'est juste comme surprenant, je dirais. OK, puis est-ce que c'est associé à certains phénomènes comme par exemple la lune montante ou la pleine lune? La pleine lune, montée d'eau, je descends d'eau. Ben non, c'est ça que je dis, j'ai pas de. J'ai pas émotion... Moi, présentement, ma vie va très bien. Hein? Très, très bien. Vraiment bien. Je ne veux pas le dire trop fort, va me faire chier avec l'astral, là, mais très bien. Fait que non, c'est d'autres choses. C'est des descentes d'énergie supramentale. Je sais que c'est ça, je connais ça, le phénomène. De toute Ben, façon, tant j'ai mieux. contact de plus en plus clair, puis c'est très, très drôle. Il y a beaucoup de. Ben, sinon, présentement, il y a des médiums qui vont parler d'augmentation du taux vibratoire de la Terre. T'sais, je pense à Luc Bodin qui dit que le nombre d'unités Bovi, lorsqu'on fait une lecture, par exemple, en utilisant le pendule, montre une augmentation. La résonance de Schumann aussi. Bon, il y a des gens qui parlent de ça, là, qu'il y a une hausse qui se fait là, depuis un certain nombre d'années, là. Ben, je sais que la planète change de vibration, ça, là, on le voit souvent, mais tu sais, il y a le collectif versus l'individu, ça je veux dire. Mais dans le collectif, oui, il y a quelque chose qui se passe, c'est clair, mais ce que j'ai toujours dit, puis que je dis encore, c'est qu'il y a un nouveau monde qui s'installe, puis les gens qui ont la capacité de contenir l'énergie qui descend de ces énergies-là, qui est un monde nouveau qui s'installe tranquillement. Ça va tout tomber, ce qu'on voit là. Je pense que ça va prendre des gens pour tenir la route plus tard. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Mais là, je ne sais pas si j'ai de l'allure en disant ça. Ça a-tu rapport avec ce qu'on parle? Ben oui, ben parce que s'il y a une hausse du taux vibratoire, il va y avoir une transition, dans le sens qu'il y a des gens qui seront plus ajustés, puis il va falloir qu'il y ait une relève, c'est-à-dire des nouvelles personnes qui vont mettre l'humanité en route. Oui. C'est déjà là, mais je pense que ça va se faire progressivement, tout cela. Mais aussi de contenir tout ce qu'on va être témoin, parce que dans les prochains 2 ans, on va être témoin de beaucoup de choses difficiles à contenir. Tu sais. Pour pas perdre ta centricité, il faut avoir réglé pas mal de choses. Il va falloir être. Si on parle de neutralité émotionnelle, ça va être le temps de l'appliquer là. Exactement. D'ailleurs, ça m'amène à te poser la question, Mona, as-tu peur de Satan? Non, pourquoi je devrais-tu? Ben, en tout cas, Vladimir Poutine cherche à nous faire peur présentement avec Satan, qui brandit comme une menace, c'est-à-dire Satan 2, le missile qui est en train de développer, puis il a fait des tests avec là, il y a quelques jours. Donc, c'est un missile qui peut porter jusqu'à 10 charges de nucléaire. Puis donner place à des explosions là, 2000 fois plus grandes, là, selon la TV française que j'ai écoutée, que Nagasaki ou Hiroshima. Moi, ça me... je vais y aller sur le contact. Premièrement, il n'y aura pas de guerre nucléaire. Moi aussi, je suis de cet avis-là, mais on cherche à nous faire brandir le spectre. Puis moi, Ça, c'est le. la propagande occidentale qui essaie de vous faire croire que Poutine est assez fou. En passant, Poutine, il est loin d'être fou. Les fous, là, c'est ceux qui vous disent qui est fou. C'est inversé. Les fous, c'est ceux qui vous disent qui est fou. Non, non, il n'y a pas de guerre. Si le contact, j'ai déjà vérifié ça, puis je repose la question, il va y avoir une guerre nucléaire? C'est non. C'est de la propagande, c'est tout ce que j'entends. Propagande occidentale, Mais c'est l'OTAN. particulier, c'est-à-dire on utilise la forme qu'est Satan, on a donné ce nom-là au missile, puis là les catholiques ou les chrétiens qui entendent parler de ça, il y en a qui vont avoir peur, vont dire c'est Satan, c'est le diable. Peut-être que Poutine, il sous-tend qu'il combat les satanistes de la planète. Moi, je pense que c'est une joke. Mais Poutine, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'humour en passant. Je pense qu'il a baptisé ça Satan pour envoyer un message à l'OTAN. Hey, ça rime en plus. En disant, hey, je le sais, ma gang d'Ottawains, qu'est-ce que vous êtes? Non, je pense, non, non. Moi, je pense que c'est de l'humour. Mais on verra. Mais moi, pour moi, la guerre nucléaire est exclue, c'est clair. Ah, ben moi aussi. Puis il y a d'autres personnes aussi là, qui pensent comme ça, là, dans le sens que, de toute façon, à mon avis, il y aurait une intervention extraterrestre. S'il y aurait. Sûrement. Puis, pas capable de peser sur le piton. Il y a du monde qui dit que c'est arrivé déjà. Moi, je suis pas trop ça, là, mais il y a des galactiques qui se rendent en contact avec du monde qui a dit qu'ils ont déjà arrêté, qu'ils ont déjà empêché le nucléaire de partir Ben, dans ils ont certains. déjà bloqué des silos à armes nucléaires aux États-Unis à plusieurs reprises. Puis des militaires américains avaient témoigné de ça, entre autres dans le cadre du Disclosure Project qui avait été tenu au début des années 2000 devant un communiqué de presse. Et puis par rapport à ça, ben, c'est sûr que ça a fait allumer les gens sur l'intervention extraterrestre en lien avec le nucléaire. Mais tu sais, moi, David, hein, je ne suis pas une fan finie des extraterrestres, les amis, mais vraiment pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, là, je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais je ne suis pas naïve, puis je me demande tout le temps c'est quoi le plan. Puis ils me répondent pas, fait qu'ils mangent la main. Bien, à mon avis, en lien avec le nucléaire, leur plan, c'est qu'on n'amène pas des perturbations au niveau de l'infrastructure énergétique de l'univers de par l'utilisation de la technologie ou les armes nucléaires. Oui, mais la question que je me pose, c'est que s'ils interviennent Oui. dans nos vies d'une façon occulte, pas assez cachée, c'est quoi les agendas? Ah ben moi, la façon que je vois ça, c'est la légitime défense, dans le sens que pour OK. pas scraper leur réalité, pour pas OK. détruire leur réalité, ils ont leur instinct de survie aussi. Si on s'entretue entre nous, c'est tel que tel, ça leur pose pas concrètement problème. Mais le jour qu'on rend l'univers avec lequel on cohabite avec eux instable, eux autres sont dans le pétrin puis sont légitimés d'intervenir parce on les menace. Ça a du sens. Ça, c'est logique pour moi, c'est rationnel, ça a du sens. Ouais. Ça se peut, mais comme je ne suis pas très portée à accorder beaucoup. Tu sais, Richard Glenn II, c'est pas moi là, que je veux dire, dans le sens que je suis plutôt du genre très terre-à-terre, puisque j'en sais de la conscience, c'est que ça se passe ici. Je ne dis pas que ça n'existe pas, au contraire, je suis sûre qu'il y a des millions de formes de vie différentes. Il y a même d'autres planètes Terre, puis toutes sortes d'affaires. Je sais, mais à quoi ça me sert, moi, ici, aujourd'hui? À rien. Fait que je suis très terre à terre dans ce sens-là. Si j'ai une information de mon contact, il faut qu'elle me serve. Puis maintenant, c'est quand j'y demande. C'est ça qui est le fun. Parce qu'il me sac l'appel. Mais quand je pose une question, j'ai une réponse. Puis ça a toujours de l'application concrète dans ma vie. C'est relié à ma vie. Donc, pour moi, ça a du sens. Mais de l'information, qu'est-ce que ça me sert de savoir qu'il y a des galactiques qui vont ci, puis qui font telle affaire, puis qu'il y a d'autres sur telle planète, des acturiens, puis... Oui! Mais ça m'amène quoi dans ma vie, ça? Non, je comprends. Dans ta vie, dans ton quotidien, ça change rien. C'est peut-être Non? plus Ça pour. me protège pas, mais ça protège pas ma sensibilité, parce qu'on a une grande sensibilité quand on devient très conscient en passant. Ça protège pas ma sensibilité, ça me donne pas une protection à moi-même, ça me protège pas de ce qui se passe, ça m'informe pas de ce qui va se passer, tandis que moi, mon contact, quand tu dis tu vends, tabarnak, ah ouais, tu vends. J'ai vendu ma maison, mais ça fait 2 ans que je voulais, mais c'était pas le temps, puis il me le disait, pas le temps, mais je m'entêtais, j'essayais. Mais quand ça a été le temps, c'est monsieur le matin qui a dit, c'est ça, that's it. Ça s'est fait en 3 jours. Fait que c'est ça qui m'intéresse. C'est ça, je veux dire, cet échange-là avec mon contact, ça m'intéresse. Pour le reste, les archanges, les anges, les ci, les ça, d'accord. Mais moi, dans mon quotidien, ça ne m'amène rien. Ouais, je vais dire comme Bernard de Montréal, je suis très matérialiste, qu'il disait. Parce qu'il voulait vivre dans la forme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la fusion, ça se passe dans la forme. Puis dans l'intégration de nos énergies, puis libérer ce qu'on appelle les mémoires, puis ci, puis ça, là, puis l'âme, puis tout ça. Mais c'est dans notre quotidien que ça se règle et dans nos vies, puis avec nos chums, puis nos enfants. Ici, ici maintenant, s'il vous plaît. Fait que oui, les extraterrestres, merci, mais si tu me sers à rien, tu ne m'aides pas à manger, ça me donne rien. Ben, en fait, de savoir qu'il existe, c'est sûr que nous autres, on n'est peut-être pas Ça fait quoi? Qu'est-ce que Comment? ça fait de savoir ça? Mais toi, qu'est-ce que ça te fait? Je vais te poser la question. Qu'est-ce que ça fait de savoir l'existence de ces extraterrestres-là, ça? Qu'est-ce que ça t'amène? Ben, dans le fond, ce que je te dirais au niveau, c'est une bonne question, au niveau personnel, c'est parce que j'ai vécu certaines situations quand que j'étais jeune où j'ai perçu des fois une ou plusieurs présences alentour de moi, alors que j'étais en bas âge, disons entre 0 et 7 ans. Et puis, dans le fond, moi, j'essaie de comprendre mon expérience. Puis là, de l'idée qu'il y a des extraterrestres qui peuvent exister ou des entités, mais là, ça me fait sens que peut-être que j'ai pas halluciné. Tu sais, les gens vont dire, ah, ben, il est jeune, il a peut-être halluciné ou il y a des choses qu'il a vues à la TV. Mais mon OK. ressenti était très intense par rapport à mon expérience. Je comprends, je sais de quoi tu parles. Ça fait peur d'ailleurs. Ben, c'est ça, c'est parce que moi, j'avais l'impression que des êtres conscients me fixaient de leur regard et que leur regard était très profond. Et que j'étais paralysé. Il y a des gens qui vont dire, ben là, c'est la paralysie du sommeil, c'est le cerveau qui s'imagine des choses. Mais dans mon vécu, par rapport à l'expérience, puis après ça, j'avais écouté le film Fire in the Sky avec Travis Walton, j'avais peur, puis ça éveillait le traumatisme. Tu sais, c'est, j'avais des sueurs froides, je transpirais. Je ne verrais pas pourquoi que je serais jeune, j'aurais tout strictement imaginé ça, puis avoir un vécu aussi traumatique par rapport à quelque chose. C'est ça, parce que quand j'étais jeune, j'avais peur des extraterrestres, j'avais pas peur des elfes ou tu sais, des farfadets. Non, non, c'était vraiment par rapport à ça spécifiquement. Puis tous les films qui faisaient référence à ça d'une manière assez réaliste, moi, ça me créait de la peur, là. Tu sais, c'était pas le loup-garou. De terreur. Oui, exactement. C'était comme un véhicule d'une forme de terreur nocturne que j'ai connue à plusieurs reprises. OK, mais ça explique ton intérêt, c'est ça que je me demandais. Ben, je comprends. Moi, ça, je valide ça pour. Je comprends très bien ce que tu dis. Je l'ai même déjà vécu aussi, cette terreur enfant où je voyais des choses. J'étais même plus capable de sortir de mon lit, tellement j'avais peur. Ouais. 6, 7, 8 ans, puis j'étais pas endormie, j'étais réveillée. Une présence très présente. Ouais. Ah, c'est terrible. Mais ça, c'est de l'abus, les petits câlisses. J'ai zaï quand ils font ça. J'ai zaï, si. C'est des hosties de chiens sales faire ça. Terrifier des enfants qui aillent se faire enculer. Excusez l'expression, je suis pas fine du tout, moi, avec ça. Mais encore là, tout ça, c'est délicat parce que moi, j'ai été voir un médium, OK. puis lui, il m'a dit, ben là, c'est sûr que les gens qui nous écoutent, faut en prendre, n'en laisser comme dans toute chose, là. Parle librement. Ben, c'est ça. Mais lui, dans le fond, ce qu'il me dit, c'est que leur intention, c'était pas de me faire peur, c'est des gens qui seraient liés psychiquement à moi, puis mon esprit. Avant mon incarnation, serait lié à eux autres. C'est comme si des gens feraient partie de ma gang, qu'une fois sur le terrain, ils observent comment je me comporte. C'est une interprétation, là. Non, je ris pas de toi. Excusez. C'est pas moi qui ris, pas de ma faute. Mais il y a plusieurs possibilités. Je dis pas que c'est la vérité, c'est pour ça que j'ai fait une mise en contexte, parce que lui, il me dit que mon esprit était d'essence extraterrestre, c'est-à-dire que avant de venir sur la Terre, j'aurais déjà existé sur d'autres planètes, puis j'aurais resté en contact avec d'êtres d'autres planètes. Ben, en tout cas, il manque d'expérience en crise parce que si le but, c'était pas de te terrifier, ils ont manqué le shot en esti. Excuse-moi de te dire ça, là, mais Je comprends, puis je suis sûre que ça a du sens, peut-être pas dans le sens, oui, on est tous des extraterrestres, on vient tous d'ailleurs, tu sais. On a des mémoires aussi de ça, puis on est accompagné. Moi, je me sens protégée par mon contact, mais j'ai un contact. Tu me dis, ça vient, c'est quel contact? Moi, je vais te répondre, c'est moi dans un autre temps. J'en vois pas d'autres possibilités, mais ce que je remets en question, je comprends. Que peut-être il n'était pas dans le but de te terrifier, mais ils t'ont terrifié pareil. Ça a terrifié l'enfant que tu étais. Oui, ça a eu ça Donc, comme c'est un but effet. idiot. Fait que moi, c'était idiot, ça ne m'intéresse pas. C'est idiot! Comme les ajusteurs de pensée, il y en a des vraiment inexpérimentés qui tuent les corps. Il y en a qui meurent psychiquement avec des ajusteurs de pensée fuckés, qui n'ont pas d'expérience. Ben, donne-le, c'est fucké. Je l'exprime d'une façon très terre à Non, non, terre. mais c'est sûr qu'il y a des gens qui se suicident. C'est-à-dire que là, puis ils meurent de manière prématurée. Mais c'est sûr que là, il y a un C'est pas problème de ça que je gestion. veux dire. Des ajusteurs de pensée de marde, ça, qui n'ont pas d'expérience. Fait que t'es bien beau de venir d'un monde intelligent, mais c'est pas très intelligent de faire ça, je suis désolée. Fait que je me méfie de ce genre de choses. Oui, tu veux venir me faire du bien, puis tu me fous, il trouve la trouille. Laisse faire. Mais laisse-moi tranquille, puis tu peux m'observer de loin, ça fait pareil. Ah, je suis pas obligée de te sentir dans mes culottes, là. Excuse-moi, David, Non, là, non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. beaucoup de colère face à ça, moi. Parce que en tout cas, moi, je me sens plus menacée. Je me suis réglée dans ma vie, ça. Puis je pense que je l'ai peut-être déjà conté une expérience qu'on avait vécue avec Daniel Kemp où on a eu la petite visite de gens, hein, extraterrestres. Puis moi, je peux juste te dire que j'étais une des seules à faire dans mon mental. Parce qu'ils sont venus passer par ici, là. Puis on a parlé de l'expérience plus tard. Puis c'était réellement, c'est une comment on appelle ça? Une Une intrusion ingérence. dans la vie des gens, sans ma permission. Fait que moi, je l'ai senti, c'était là. Puis j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu calisses là, toi, mentalement? Ben, on est venu voir. On va voir ailleurs. Chris, je t'ai pas demandé. Il faut que ça vienne de moi. Je suis une tête de nœud, peut-être, là. Mais la subtilité par rapport à ça, c'est, je pense entre autres à l'ufologue et métaphysicien Jean Cazot. Lui, ce qu'il va dire, c'est que nous autres, en tant qu'ego, on peut vivre le contact avec les extraterrestres comme étant traumatique, mais nous, sur le plan multidimensionnel, en tant qu'esprit, ça peut être des êtres qu'on connaît avant l'incarnation, etc., mais en tant qu'ego, on n'a pas nécessairement accès à cette information-là, et c'est cette dissonance entre les deux aspects de nous-mêmes qui peut créer de la terreur. Alors que sur un autre plan, c'est comme des grands amis qu'on, ben, grands amis, grands collègues qu'on a depuis longtemps. C'est ça le point qu'il veut soulever. Point intéressant. Ben, je connais pas Monsieur Cazot. Je sais qu'il extraterrestre, ces phénomènes-là l'intéressent, l'ufologie. Par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, j'ai connu Monsieur Denis, d'ailleurs. Mais c'est peut-être ça qui fait que ça. Maintenant, on me disait, toi, tu es protégé parce que tu te calisses de l'occulte. C'est un peu ce que vous voyez. Je m'en calisse. Ça me protège peut-être de ces expériences un peu traumatisantes qu'on exprime. Mais j'ai un côté très terre à terre pour ça. Je veux pas. C'est sûr que ça existe, tout ce qu'on dit là. Probablement que ça existe, tout ça. L'esprit. Mais si mon esprit est lié à des choses qui me fout la trouille au niveau de l'ego, ça demeure pour moi imbécile. Parce que si j'ai peur, je suis en mode de peur. Jamais il y a de l'évolution dans la peur. C'est ça, mais la particularité, c'est que l'intention n'est pas nécessairement de te faire peur. Je sais, mais David, Mais... mais l'intention puis le résultat, moi, c'est le résultat que je regarde. Donc, on lise Non, l'intention, non, mais rendu je là. comprends ce que tu veux dire. C'est un petit peu comme, par exemple, tu vas avoir un avion qui va passer au-dessus d'une tribu qui est dite primitive, là, qui n'ont pas accès à peu ou pas de technologie. Eux autres vont interpréter qu'il y a un dieu dans le ciel qui se déplace. Ouais, mais c'est imbécile faire ça. Non, mais les gens qui pilotent l'avion, leur intention, c'est pas de se faire passer pour un dieu par rapport aux gens qui sont faiblement Non, je développés sais, sur le mais plan. c'est ça, mais si tu es intelligent puis que tu sais que c'est des sociétés primitives, puis tu débarques avec ton jet, t'es sûr que tu vas lui créer un choc, fait que c'est pas intelligent. Fait que ça peut pas être mon contact, mon intelligence qui propose ça. Mais c'est parce que tout ça est subtil. C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui pilote l'avion, son intention, c'est pas de dire je vais passer au-dessus de l'Amazonie pour créer un choc culturel aux villageois. Lui, il va dire ben Mais là, moi, je tout pars du pense, point. là, attends un peu, David, là, c'est tout qui pense rendu là, là. Le pilote, il pense. La pensée vient d'ailleurs, c'est pas moi qui pense. Fait qu'à un moment donné, il faudrait peut-être regarder ce qui nous passe dans le cadran puis le gérer. Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, Le c'est que. pilote là, qui se fait passer devant au-dessus de l'Amazonie, on est dans une image là, Oui. primitive. D'ailleurs, il y a un Star Trek là-dessus. Star Trek où ce qui débarque. Mais ça, ils sont pris dans un endroit où il y a des gens très primitifs, puis ils n'ont jamais vu ça, eux autres, un vaisseau interstellaire. Puis ils ont des croyances peut-être particulières. Puis ils sont obligés de quitter en catastrophe la place. Puis là, ils voient ça partir, puis ils en font une religion. C'était une image que j'aimais, parce que c'est un peu ce que tu exprimes dans. Mais ça a été abordé dans Star Trek. Mais pour moi, au niveau de l'intelligence, moi, je suis un canal, pas moi qui pense. Fait que si on m'envoie ça comme affaire puis que je fais ça veut dire que j'ai un hostie de canal épais. Je suis désolée. Ou ça fait partie de la programmation de vivre une religion, je ne sais pas. Mais créer des chocs chez les gens, c'est pas intelligent, je suis désolée. Ben, quelqu'un qui cherche intentionnellement à créer des chocs, c'est prémédité. Mais il faut prendre le contrôle à un moment donné de ce qui nous passe dans le cadran. Moi, je ne génère pas ma pensée, mais si, un exemple, je marche sur la rue, puis là, je vois quelqu'un de masqué dans son char, puis là, ça le traite d'idiot. Hey, ça va faire, là? Non. Coupe avec ça, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas un idiot, c'est pas moi qui pense, c'est pas moi qui. Je suis pas en train de me dire, Mona, t'es donc pas fine de penser ça. Mais c'est pas moi qui pense, c'est qui vient de m'envoyer à penser? Va chier, c'est-tu? Non! Faut être capable de prendre le contrôle sur ce qui nous envoie dans le cadran, c'est pas nous autres qui pensons, c'est pas nous autres qui. Ça vient pas de nous, mais ça vient d'où la pensée? Ça vient de l'extérieur. Puis souvent, ça peut venir du contact qu'on a originel, mais quand il traverse toutes les couches de la merde qu'on a au-dessus de la tête, ça nous atterrit dans le coco tout croche, tu sais. Mais à un moment donné, on a une capacité d'évaluer ce qui nous passe dans le cadran. C'est pas moi qui pense, mais je suis capable de regarder le film, là, tu sais. Je suis capable de trouver le film, il Non, est non, bon ou pas mais bon. je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, prendre le contrôle. C'est sûr qu'il faut faire preuve de discernement par rapport aux idées qui passent dans le mental. Mais si je Ben oui. reviens par rapport au pilote, là, le pilote, son objectif, c'est d'amener des voyagers d'un point A en Amérique du Sud, à un point B en Amérique du Nord, qu'il y ait ou non des villageois, il s'en préoccupe pas. Lui, sa priorité, son attention, son focus. C'est s'occuper à ce que l'avion ça aille bien dans les airs, la vitesse, l'altitude, ainsi de C'est suite. ça, il n'est pas intelligent. Ben, il est pas Pas intelligent. intelligent d'avoir la science. Parlons d'un autre sujet. Oui. Rentrons dans ceux qui reçoivent là, des belles informations scientifiques puis qui créent toutes sortes d'affaires. Donc, ben, à un moment donné, le taouin, ça t'entraînes-tu de penser que c'est pas toi qui penses puis que ce qu'on t'envoie comme information, c'est peut-être bien brillant au niveau de la science, mais comment ça va être utilisé? On en a un très bel exemple. La thérapie génique qui n'est pas nécessairement stupide, mais. À quoi elle va servir, puis comment les gens vont s'en servir quand tu vis sur une planète avec tout le jeu de pouvoir, c'est pas tellement intelligent de coller ça entre les mains de n'importe qui. Alors, à un moment donné, les scientifiques vont devoir se poser la question aussi, ce que je crée, c'est intelligent, puis à comment ça va servir? C'est du Oui, sens ce que je dis? mais ils sont pas tous comme Einstein, Non, mais il va en malheureusement. avoir plus d'Einstein dans l'avenir, On c'est ça que va j'essaie de dire. espérer, là. C'est parce que là, on parle du monde supposément conscientisé, qui ont un petit peu de conscience, ou un Oui. peu moyennant, mettez la gauge que vous voulez, là. Mais c'est parce que c'est bien beau recevoir des pensées, mais il faut être capable de. Moi, de plus en plus, je regarde ce qui me passe là, puis j'ai non, non, non, non, non, je peux. Tu sais, des fois, j'enseigne, puis ça monte la colère. Non, non, je suis pas là pour faire créer quoi que ce soit comme choc aux gens. J'en ai créé des chocs parce que je n'avais pas le contrôle de ma parole. Mais là, je commence à l'avoir. Parce que je savais qu'il fallait que je prenne le contrôle de ma parole à un moment donné. Ben, moi, tu téléguidé, que ce soit par l'astral ou l'intelligence. C'est téléguidé pareil. T'sais, à un moment donné, c'est quand je vais changer. Puis quand s'il passe quelque chose, il faut que ce soit utile. T'sais, dans le sens de me défendre. Mettons que moi, j'ai la capacité de canaliser bien de la colère. Mais il faut que je sois menacée. Physiquement ou psychiquement. En dehors de ça, je ne vais pas m'énerver pour rien, même si ça me passe dans le cadran, parce que ça passe facile chez moi. Mais je le laisse passer maintenant, c'est ça que j'ai. Là, je pars à rire, je m'énerve pas avec ça. Il y a des... Tu comprends ce que je veux dire? C'est d'apprendre à gérer. On ne peut pas penser nécessairement par nous-mêmes, mais on peut apprendre à gérer ce qui nous passe dans le cadran. Exact. Dire non, ça c'est pas intelligent, mais il y a plein de monde pas intelligent, c'est pas la question, il n'y a pas de souci. Puis ton monsieur qui conduit son avion, qui parle, c'est parce que l'exemple, oui, c'est sûr que ça existe, mais pour moi, c'est un signe de non-intelligence. Le pilote n'est pas intelligent parce qu'il fait moi, déplace du monde du point A au point B. Mais qu'on liste des conséquences, c'est ça que ça veut dire. Mais quand tu connais les lois de la conséquence, comment ça t'en crissait moins des lois de la conséquence, des Ben, ça conséquences, dépend mais comment que pas c'est vécu intelligent. pour lui. Tu sais, si dans le fond, lui, Ben, il est inconscient, c'est ben non, mais tout. ben, je veux dire, à un moment donné, on s'arrêtera pas de se déplacer en avion au cas où qu'on crée un choc culturel par rapport à quelqu'un au sol, là, tu sais. Parce que là, tu donnes un exemple. Il n'y a plus personne qui capote avec un avion qui passe au-dessus de chez eux, sa planète, là. Ben, dans certaines tribus reculées, Ben, ils peuvent ou voir ça comme étant un peut-être dieu dans le ciel sur le plan anthropologique. Mais lequel tu parles, c'est parce que les tribus reculées, il n'y en a plus bien, bien, là, c'est en Je suis d'accord 2022. avec toi, là. Aujourd'hui, en 2022, il n'y en a plus beaucoup, là, mais je veux dire, il y a peut-être dans le fin fond de l'Amazonie. Un autre exemple. OK. Les gens là, qui s'en vont, bon, tu voulais parler de l'Ukraine et Russie. Oui. Les Canadiens qui s'en vont faire la guerre avec l'Ukraine. Écoute, hey, tu es assez idiot. Excusez-moi, là. Premièrement, cette guerre-là ne nous concerne pas. En aucun cas, on est menacé par la Russie au Québec et au Canada. En aucun cas. Qu'est-ce qu'on va colisser là? Fait que moi, la pensée qui me viendrait d'aller faire la guerre en Ukraine, là, si j'avais ça dans le coco, je dirais minute, toi, Chris, là. Mais c'est ça, cette affaire-là. Non, je ne vais pas faire la. Ni pour la Russie, ni pour l'Ukraine. C'est pas de mes calices d'affaires. Ça ne me concerne Je suis pas. 100% d'accord C'est pas avec toi. intelligent. Ben oui, mais il faut être intelligent pour pouvoir voir. Premièrement, il faut comprendre que c'est pas toi qui penses. Puis on est encore en train de parler dans le. C'est moi qui pense. On a le contrôle de penser. Non, j'ai pas le contrôle sur ce qui passe, mais j'ai le contrôle sur. Je peux le sortir ou agir avec. Mais c'est pas moi qui génère cette pensée-là. Fait que si on m'en va ouais, au front, mais là, c'est pas le cas. Je suis une femme. À 60 ans, je pense qu'il va passer mon tour. J'irais. Si j'avais ça dans un individu qui aurait comme information, il faut que tu ailles faire la guerre en Ukraine pour sauver l'Ukraine, ben, allez-y. Mais moi, pour moi, c'est imbécile. C'est sûr qu'il n'y a pas de conscience-là. Bien, présentement, on a Ariane Moffatt, on a Céline Dion qui dit qu'il faut Ouais, qu'on les soutienne cadavres ambulants. l'Ukraine. Ouais. Ils Les sortent gars qui. publiquement et disent qu'il faut soutenir l'Ukraine. Ah oui, je vois ça, je te l'ai dit, j'ai même vu des séminaristes pro-Ukraine. J'en reviens pas, je suis tombée sur le cul, tu sais, il faut avoir rien compris en tabarnak. C'est pas mon problème. J'irai pas lui dire, je le pense, mais j'irai pas lui dire, je m'en calisse. Ouais, c'est ça, pro-Ukraine ou pro-Russie. Ben, il y en a qui vont mettre le drapeau de l'Ukraine sur Bon. leur compte Facebook en guise de soutien. Ben, j'ai même vu ça à ma caisse. Je suis allée à la caisse régler des choses dernièrement pour mon hypothèque qui va être finie, là. Puis, écoute, j'ai le guichet dans une grosse. Au guichet, il y a une grosse caméra, là. Pas une caméra, mais un écran. Puis faites un don à l'Ukraine contre. Moi, je suis là de même. Là, je dis à la caissière, je dis, voyons donc. Elle doit tomber sa tête. Elle dit quoi? Mais je dis. Ça, un don pour l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on a collé? C'est là, les caisses populaires en Ukraine. Ça vient, expliquez-moi ça, vous. Ah, ben là, Moi, j'ai vu la même chose à une station-service au ben moment de payer pour l'essence. Là, ils proposaient à l'écran de faire un don pour l'Ukraine. Fait que moi, c'est sûr que depuis le début, puis je vais arrêter de me répéter, c'est que c'est bien beau de vouloir faire des dons, mais j'ai l'impression un peu comme les talibans là, en Afghanistan. Peut-être que les armes, ça ne sera pas utilisé à ce qu'on pense sur du moyen ou du long terme. Ben, premièrement, ce qu'on avait dit, tu te rappelles-tu, j'avais dit qu'il n'y enverrait jamais d'armée. Les pays occidentaux, la France, toutes l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, ils ont-ils envoyé l'armée? Non, ils envoient de l'argent puis des armes. Qu'est-ce que ça fait, les amis, ça? Ça entretient la guerre pendant qu'ils tuent encore plus de monde, puis on va être tributaire de ça, mon argent va. Déjà que je pognais avec le Trudeau, la FLAC, là, qui a envoyé des millions en Ukraine pour faire quoi? Pour maintenir la tuerie, quand on sait très bien que les Russes sont bien plus équipés que l'Ukraine pour se battre? Hey! Oui, moi je vais contribuer à ça. Fiez-vous sur moi? No fucking way! Puis avec le consentement social, Mona, c'est qu'au début, que ce soit le Canada ou les États-Unis, c'était des armes défensives. Puis là, on est passé à l'étape des armes offensives. C'est eux qui menacent de guerre nucléaire en passant l'OTAN et non la Russie. C'est l'OTAN qui parle de ça. Mais faut quand... je ne veux pas trop rentrer là-dedans. D'ailleurs, je trouve que Bertol en sait beaucoup plus que moi là-dessus. Il est très intéressant. Mais il faut lire un peu sur l'histoire de l'OTAN et la Russie. Puis les gens mélangent vraiment la Russie et l'URSS, là. Ça fait longtemps que c'est fini, l'URSS, en passant. C'est terminé. Hein? Et la Russie, depuis 2014, minimum, se font chier avec l'OTAN qui se déplace quand ils ont signé une entente qui aujourd'hui dit ça vaut rien. Hey, l'entente, tu l'as signée du con. La France, l'Allemagne, compagnie, toute l'OTAN a signé une entente qui dit qu'ils ne se déplaceraient pas vers les frontières de la Russie. Ils sont rendus dans ta cour, Chris. Puis là, il faudrait dire que là, Poutine est donc méchant, puis il fout raide. Ben moi, viens-t'en dans mon jardin venir me faire chier. Tu vas voir que je vais devenir Poutine en tabarnak. Je suis désolée. Mais C'est ça là, qu'essaie de c'est faire le pas. Canada, le Ouais. venir t'inciter. Pourquoi je vends tout et je veux plus avoir rien? Parce que s'ils vont venir me décrotter le nez tantôt. Je sais pas si les gens ont remarqué que les assurances bien meubles, ils ont changé en essai. Puis il y a une petite clause là-dedans, là, reliée au virus. C'est pas Jojo, là. Il va venir dans vos maisons, là. Puis vous dire, ben là, votre maison, il y a du COVID, là, mais vous devez sortir. Continuez à faire les épais, pas lire les petits paragraphes de la petite crise d'assurance. J'ai même dit ça à ma caisse, il savait même pas lui-même. Hein? J'ai dit, va donc lire tes propres assurances, man. Mais là, c'est Hey, ça, par rapport aux assurances, c'est quoi l'affaire, là? c'est une clause qu'ils ont rentrée comme quoi que premièrement, si t'es malade, t'as pas ton problème. Dans le sens qu'ils couvrent aucune maladie liée à des virus, terminé. OK. Fait qu'ils savent déjà qu'il y a bien des morts qui s'en viennent, puis des morts malades. L'autre chose, c'est que si dans ta maison, on déclare, mettons que tu as une maison, une assurance bien meuble, puis que. On découvre que tu es déclaré COVID dans ta maison, ils découvrent qu'il y a le COVID ou n'importe quel nom de virus qu'ils donneront dans les prochains temps. Ils peuvent te sortir de chez vous, puis ils ne payent pas tes affaires, puis ils peuvent te sortir de chez vous. Tu es obligé à quitter ta maison. OK, parce que vu qu'il y a eu c'est un lieu d'éclosion de COVID. C'est ça. Ça, c'est dans vos assurances bien même maintenant, vérifiez-le. Mais ceci dit, on était où là-dedans? On Excusez-moi, parlait de comme la les. guerre en Ukraine, puis on est rendu dans des questions d'assurance. C'est parce que. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend pas le temps de s'informer correctement, de vérifier des choses par rapport à la Russie et l'Ukraine. C'est trop facile d'écouter la télé et de dire, oh, tu ne veux pas faire Poutine. C'est pas un ange, là, mais il se bat pas contre des anges non plus. Je l'ai toujours dit, je parle pas chinois et japonais. Fait que moi, si tu me parles, je te parle, mais si tu me verges dessus avec un coup de pied, tu vas manger une hostie de volée. Va parler ton langage capable. Ne me touchez pas physiquement, vous êtes mort. Ou je meurs, ou toi tu meurs. C'est pas compliqué. Fait que je parle pas japonais et chinois, c'est ça que je veux dire. C'est que ça dépend de l'agression. Mais il faut s'informer correctement, puis lisez sur l'histoire réellement de la Russie, de l'OTAN, ce qui s'est passé. Puis c'est quoi l'OTAN? C'est quoi la mission de l'OTAN? C'était de désarmer. Puis là, c'est rendu le bras armé des Occidentaux. Je sais pas, un petit peu. On a manqué un peu à la mission, là. Ouais, ça fait encore partie des paradoxes, c'est-à-dire tu veux avoir la paix, mais tu te prépares à la guerre. Ben, eux, ils veulent pas avoir la paix, ils veulent faire la guerre, c'est trop payant. Le lobbying de l'armement dans le monde. À qui ça profite, cette guerre-là? Présentement, ça se tourne tout contre eux, de toute façon. C'est ça qui est tordant. Poutine, là, il est tellement con qu'il avait tout prévu avec ses généraux. Hein? Il savait ce qu'il faisait, les petits Russes, là. Ben, je suis pas sûr dans le sens que j'ai l'impression qu'ils ont vu grand, c'est-à-dire qu'ils ont tenté une guerre éclair au début pour prendre. Non, non, non, non, je suis désolée, là, tu es dans le champ partant. Ils n'ont jamais prévu une guerre éclair. Ils ont dit qu'ils rentreraient très lentement dans le pays pour éviter le plus de morts possible, David. OK, mais c'est parce que je veux dire au Ils début sont de leur rentrés avec même opération. pas un tiers de leur armée de terre. C'est même pas 30 % de l'armée de terre qui est rentrée en Ukraine. parce qu'ils voulaient y aller en douceur pour pas tuer trop de monde, parce qu'on sait comment ils se battent, les Ukrainiens, puis Azov, puis sa gang de malades mentales. Ils prennent le peuple en témoin, puis ils se cachent en arrière de leur peuple pour faire tuer du monde. C'est ça, la réalité. Puis ils le savaient, Poutine. C'est Mais en tout cas, il y a l'inverse de eu ce que... comme tactique d'attaquer simultanément sur plusieurs fronts lorsque l'opération C'est militaire a ça. commencé. Oui, mais ça, c'était les laboratoires. En passant, vous allez découvrir ça. La mission spéciale de Poutine, c'était de détruire les laboratoires secrets sur leurs frontières, qui n'arrêtent pas de shooter toutes sortes de cochonneries dans Russie puis ses frontières. Vous allez découvrir qu'il y avait une trentaine de laboratoires qui fabriquaient toutes sortes de petites cochonneries pour nous. Oui, mais les armes bactériologiques là, en relation avec les États-Unis, là, c'est sûr que j'en avais entendu parler. L'Allemagne, les pays occidentaux, le Canada, la France, on a tous contribué à ça, tabarnak, avec nos impôts. OK? Fait qu'il est bien beau, elle m'a conscience, au moins t'es paix. Mais ça va tout sortir, ce que je dis là, tu vas Mais je veux voir. juste attirer ton point sur quelque chose quand même qui me semble être factuel, c'est-à-dire que au début de l'opération militaire, Poutine a décidé d'attaquer simultanément sur plusieurs fronts, que ce soit à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Il n'a pas attaqué à l'ouest. Il est rentré par le côté est. Les États qui veulent être, qui ont voté pour être russes, reliés à la Russie, le Donbass puis l'autre, là. C'est Mais quand je dis par l'ouest, là parce que je qu'ils sont pensais rentrés, à puis la... par le sud, du côté de la Oui. mer, pour la Crimée, parce qu'ils Oui. veulent contrôler le golfe, la mer Noire, je crois, qui est là. Mais ils n'ont pas rentré à l'ouest. C'est la partie ukrainienne la plus pro-trou de cul, je dirais. Mais ils sont même pas rendus encore là. Mais en tout cas, ils ont des troupes en Moldavie qui Ça. est située à l'ouest de l'Ukraine. Ouais, mais c'est parce qu'il y a eu aussi la Pologne qui se mêle pas de ses affaires. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, là. Mais Poutine, s'il voulait démolir l'Ukraine, serait faite déjà. Oublie ça, ils sont armés, ils Parce peuvent que te moi, ce que démolir j'avais cru le... comprendre, c'est qu'il avait comme vu trop large sur plusieurs fronts, puis finalement, il a fallu qu'il recule par rapport à Kiev, là, la capitale, puis il a concentré ses énergies sur l'Est puis le Sud. Ben non, il avait dit qu'il assiégerait pas Kiev. Il l'a dit, il dit, je OK. n'assiégerai pas le Kiev, je vais faire le tour. Il a fait le tour. Faut l'écouter dans ses discours, Poutine, hein, parce que c'est sur réseauinternational.net, là, tu peux trouver les discours de Poutine avec une traduction qui semble un peu intéressante, là. Mais il a toujours dit, je veux pas assiéger Kiev. Ça OK. m'intéresse pas. C'est les laboratoires, surtout les laboratoires, les installations souterraines. Corrompu, hein, là, l'Ukraine, des enfants là-dedans, ce que le monde ne savent pas, les tunnels où les enfants sont déportés par en dessous, esclavagés, pour toutes sortes de raisons. Il y a plein de choses qui se passent là. Mais ce qui fait durer le conflit, c'est qu'on fournit des armes, les Occidentaux fournissent des armes et de l'argent à ce pays, l'Ukraine. C'est nous qui maintenons ça, les amis. Nous, ici en Occident. Ça serait fini depuis très longtemps, cette guerre-là, si les gens n'avaient pas accepté d'envoyer de l'argent, puis que si les peuples se levaient, là, ça serait fini depuis longtemps. Parce que personne ne veut de guerre. Je ne dis pas que c'est bien la guerre en passant, c'est une horreur, les guerres. Puis j'en ai pas connu, puis je veux pas en connaître. Parce que je devine ce que c'est de vivre dans un hostie de sous-sol pendant des mois. Ça doit pas être jojo, pas tout. Non, c'est Mais clair. c'est contre ça qu'on devrait se lever. Plus de guerre. Plus de guerre. Il n'y a aucune raison que la diplomatie fasse pas sa job à part du monde qui veulent la guerre. C'est ça qu'il faut regarder. Regardez la guerre en Syrie, en Iran. Ils nous ont niaisés, là. Ça fait 20 ans qu'ils font des guerres. Ils en ont fait combien de guerres, ces gens-là? Puis là, c'est l'Ukraine et la Russie. C'est toutes des hosties de marde. L'échec de la diplomatie, c'est voulu. Parce qu'ils veulent de la guerre. C'est payant. Puis pendant ce temps-là, ils peuvent massacrer plein de gens, continuer les petites expériences de marde sur du monde. Ben c'est ça, ils Puis peuvent tester des eux nouvelles autres. armes. Quand est-ce qu'on va s'en rendre compte qu'on est pire que des rats pour eux autres? Ben c'est sûr qu'ils testent des nouvelles armes. Là, on parle des drones qui sont massivement utilisés. Par contre, du côté russe, il a essayé des missiles hypersoniques. Faut qu'ils se défendent. L'armée russe est une armée de défense avant tout, David. La plus grande puissance de défense armée, c'est les Russes. C'est pas la plus puissante au niveau de l'attaque, c'est la plus puissante en termes de défense. Mais au niveau de Parce qu'ils ont l'attaque, c'est la développé une première armée puissance de défense. nucléaire au monde devant les États-Unis. M'excuse, j'ai perdu le bout Mais de au ça. niveau de l'attaque, quand même, la Russie, c'est la première puissance nucléaire dans le sens qu'ont plus d'ogives nucléaires que les États-Unis. Oui, mais ce n'est pas nécessairement pour se servir contre les États-Unis, comme peut-être se protéger s'il y a une attaque, dire on peut te répondre. Oui, c'est sûr, vu comme ça, là. Switch, garde la Chine. Attends, c'était quoi l'île Salomon? C'est-tu l'île Salomon où les États-Unis sont allés déclarer, je sais pas trop quoi, parce que je pense qu'ils sont menacés, l'île Salomon, de Salomon, je me souviens plus, par la Chine ou je sais pas trop d'être envahie, là. Puis là, ils ont mis le bidon, là, qui va faire une déclaration que si jamais ça arrivait, qu'il y aurait affaire aux Américains. Y a-t-il quelqu'un qui a une idée de la distance que l'île de c'est dans l'océan, océan, c'est quoi Pacifique. l'océan? Indien, c'est-tu l'océan Indien? Les îles Seychelles, c'est où les Seychelles? C'est pas. En tout cas, de l'Australie, c'est près de l'Australie, cette petite île-là, Salomon, je pense que c'est 500 600 km de l'Australie, si je ne me trompe pas. Mais des États-Unis, ça doit être à 30 000 km. Qu'est-ce qu'il calisse là, lui? Qu'est-ce que tu penses faire, toi, là, à 30 000 km de distance de l'île de je sais pas quoi, là? C'est quoi le but? Pourquoi qu'il a déclaré ça? Encore nourrir des guerres, l'esprit de division? Je sais pas, faudrait que je cherche un peu. Je viens juste l'entendre cette semaine. Puis je riais, je dis, voyons, c'est quoi le rapport, Chris? Je te reparlerai si vous voulez, les gens, mais vérifiez. Il lance des affaires de même, tu sais, comme. On est menacé. Menacé de quoi à 30 000 km, Chris? Ils ont mis une fusée pour se rendre à 300, à 500 km. On est menacé. C'est du n'importe quoi. C'est ça que je te dis. Il faut faire très attention. Ils veulent juste des guerres, nourrir la division, Oui, nourrir les. ben en fait, les grands gagnants depuis le début de l'opération militaire en Ukraine, c'est les producteurs d'armes américains, là. Parce que les États-Unis offraient des contribuables, ils ont dépensé au-dessus de 3 milliards de dollars que le bon peuple va payer pour armer les forces ukrainiennes. Exact. Donc, le lobby des armements aux États-Unis est en puissance, en même temps que le lobby pharmaceutique pour les injections multiples. Probablement qu'à l'automne, on va nous en revenir avec une nouvelle campagne, la version 7 du virus. Tu sais, c'est comme les films Terminator, tu as tout le temps des nouveaux films qui sortent, tu penses tout le temps que c'est fini, puis ils en sortent d'autres. Ouais, mais présentement, là, même juste avec 3 doses, puis 3 doses, je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça qui en ont eu, là. Les statistiques, quand tu les lis comme il faut, on réalise que c'est un peu comme les élections, c'est les manipulants en tabarnak. Ah, je l'étudie. Mais c'est 80 %, 82 % des gens qui sont malades présentement, c'est des doubles vaccinés et plus. Bien, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas vaccinés. Présentement, j'ai ma grand-mère, elle est âgée de 98 ans, puis elle est avec une bonbonne à oxygène. C'est sûr Non, qu'elle mais à est. 98 ans, elle doit avoir un autre problème que rien que la grippe, Bien, là. c'est là que j'allais en venir, là. C'est sûr que, dans le fond, elle a une comorbidité dans le sens qu'elle a un problème cardiaque qui fait en sorte qu'elle a un pacemaker. Puis aussi, bon, elle s'était fracturé le bras, puis elle a de la difficulté à marcher. Fait que là, elle soit dans le fond couchée ou ça se déplace en chaise roulante. Fait qu'elle a une perte musculaire importante qui fait qu'elle est Est-ce fragilisée. qu'elle a été vaccinée, ta grand-maman? Non. OK. Une chance, elle serait déjà morte. Non, mais c'est le vieillissement, mais David, dans 98 ans, j'espère pas me rendre là, moi, purée. Je suis déjà à 60 et je trouve que ma masse osseuse diminue beaucoup, là, tu sais. C'est quand même honorable comme âge. Non, non, exactement. Mais je veux dire, c'est Rien qu'il de y a, dire. bon, il y a des gens qui sont quand même malades. Oui. Je dis pas qu'il n'y en a pas de grippe et de rhume, mais David, c'est un rhume et une grippe. Puis on a toujours eu des rhumes, des Ben grippes, puis on a oui, toujours c'est eu des. ça. Relié à la grippe aussi. La H1N1, on parle de combien de milliers de morts, t'sais, au Québec. Mais il faut relativiser tout ça aussi. Puis regardez, t'sais, à 98 ans, qu'on meurt d'une grippe qui vient nous achever, je peux comprendre. Mais est-ce qu'on va commencer à vivre est-ce dans la peur d'une grippe parce qu'on veut plus mourir? Non, non, mais je Est-ce suis d'accord ça? avec toi là-dessus, là. De toute façon, c'est parce que là, c'est l'étiquette a fait un test positif à COVID, mais en réalité, il y a peut-être quelques années, on aurait dit, ah, c'est l'influenza, puis on n'en aurait pas fait autant de cas, là. Mais même ça, mon petit loup, excusez, ça vient de me Non, il n'y a sortir. pas de COVID. problème. Donc, quand j'aime les gens, je l'appelle petit loup. Même ça, le test qu'il nous passe, PCR, il ne sait pas que c'est un COVID. C'est un mensonge, le test PCR. C'est de là que ça part, la mensonge. Le test PCR ne peut même pas vous dire quelle crise de virus que tu as. C'est nous autres qui décident que c'est ça. Il va détecter une charge virale puis qui peut être absolument anodine. Mais c'est pas marqué COVID-19 sur le test. C'est pas fait pour ça, ces tests-là. Fait que c'est qui nous remplit la tête de ces conneries-là? Nos gouvernes qui mentent. La santé publique qui a un objectif précis. Mais en passant, le COVID-19, il y a 2 ans, là, il a changé de forme en crise depuis ce temps-là, je peux vous le garantir. Ça mute à tout, à tout, à c'est tout azimut, ça. Pourquoi ils sont pas capables de fixer des vaccins contre ces ARN, contre les virus? Parce que ça mute tout le temps. Fait qu'ils n'arrivent pas à trouver un médicament, une quelconque injection pour stabiliser. C'est tout le temps en mutation. Fait que venez pas me dire que j'ai le COVID-19 2 ans plus tard, mon roulateur de riz. Voyons. Il va porter le numéro 32, version 375, peut-être, là. Mais c'est pas le COVID-19. Ça se peut pas. C'est pas un SRAS 2. C'est peut-être un SRAS 24, là, mais. Non, non, c'est ça. Mais de toute façon, comme le disait Monsieur Boileau, ça peut être un variant du variant. Ben oui, puis on sait que les variants sont plus contagieux, mais moins morbides. Fait qu'arrêtez de vous énerver avec des virus. Je coule du nez, c'est rendu. Hey, j'ai rendu dans mon chum, tout le monde arrête de respirer, c'ti. Hey! Moi, je suis pas arrivé. Ben là, on a encore le droit d'achoumer, on continue nos vies, amis, c'ti. Hey, gang de démons. En passant, je vous ferai un suivi. Je vous dis ça en primeur. J'ai 2 femmes enceintes dans mes cours qui sont super vaccinées. J'ai hâte de voir ce qui va sortir de là, moi. C'est plate à dire ce que je vous dis là. Mais j'ai des mauvaises nouvelles pour eux autres. Vacciné combien de On verra. doses? N'as-tu deux Deux doses. doses, trois, quatre? Deux. OK. Enceinte. On verra bien qu'est-ce qui sort de là. S'il sort. Parce que où est mon cycle, les Françaises, là? Il y a un collectif français là, qui demande où est Oui. mon cycle, là, mais il y en a d'autres qui vont demander où est-ce qu'est mon bébé, hein? Oui, exactement. D'ailleurs, ça, je me demandais, ça ferait combien de temps sur YouTube, là? C'est-à-dire qu'il y avait une vidéo pour dénoncer les effets secondaires. Là, c'était par rapport, bon, l'impact sur les menstruations. On s'entend, c'est peut-être moins grave que le myocarde qui amène la mort, mais quand même, c'est un. David, c'est des femmes qui peuvent mourir d'hémorragie quand tu n'es plus capable d'arrêter de saigner. C'est pas drôle, pantoute. Mais là, il y a des femmes ménopausées de mon âge qui se remettent à saigner comme s'il y avait des hémorragies. C'est aussi bizarre, ça. Oui, des femmes qui se remettent à être menstruées, là, sont rendues avancées en C'est pas des âge. menstruations, c'est des OK, hémorragies. encore pire. Ça, c'est différent. Une hémorragie, c'est beaucoup de pertes de sang. Puis là, tu Ouais. tombes plus faible, tu as un manque de fer, tu viens fatigué, tu Là, peux ça peut tomber être plus grave, en ça attrape le COVID parce qu'elle est fragilisée. Non, non, mais t'en regardes la roue comment qu'elle se nourrit. C'est-à-dire que tu amènes les gens à être fragilisés avec des effets secondaires, puis après ça, s'ils attrapent moindrement un virus, un peu comme quelqu'un qui a le VIH-Sida, ben il peut en mourir. Ben, t'sais, en parlant de ça, là, quand c'est rendu que le Doc Mayou dit aux jeunes d'aller se faire tester le sida pour savoir suite à la vaccination, vous avez le sida, là, pour qu'il dise ça, lui-là, là. Purée, c'est pas un débile, là. Il y a quelque chose qu'il sait qu'il peut pas dire ben, mais qu'il le dit vrai à sa façon. Ben, en tout cas, il y a André Pitt qui a fait régulièrement des vidéos là, sur sa chaîne de studio, vous pouvez avoir sur Odyssey, où il a abordé le fait que, dans le fond, je ne suis pas capable d'exprimer comme faux, mais bref, la vaccination ou d'avoir le COVID, ça t'amène un peu comme quelqu'un que le système immunitaire à terre, comme quelqu'un qui est atteint du VIH-Sida. Le syndrome d'immunité, machin. Ouais, c'est ça. Ben, si les gens veulent se renseigner, peut-être que s'il y a des gens que ça intéresse d'aller voir, il y a toutes sortes, comme tu dis, il y a le studio. Je pense que tu avais fait un année une vidéo où tu nommais les endroits où les gens peuvent aller chercher un peu Oui, d'informations. sur YouTube, là, j'ai fait une vidéo qui faisait une synthèse de lanceurs d'alerte. Les gens peuvent écouter, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. C'est une très bonne référence. Puis si les gens veulent un peu plus d'informations neutres sur la Russie et l'Ukraine, je vous invite à écouter Xavier Moreau, qui est très intéressant, entre autres. Puis toi, tu avais quelqu'un d'autre, tu m'avais nommé, là. Oui, c'est un pilote d'avion. Mais lui, il est partiel, il est pro-Ukraine. C'est juste parce que, dans le fond, j'aimais ses analyses militaires là, sur YouTube. Bien, concernant l'Ukraine et la Russie, allez sur réseauinternational.net aussi. Il y a beaucoup de nouvelles qui sortent là, très intéressantes. Il y a Epoch Times aussi, qui est extrêmement intéressant. C'est des réseaux. Ça vous donne un autre son de cloche. C'est à nous de se faire une idée aussi à un moment donné, puis de regarder qu'est-ce que ça passe dans notre cadran. On peut s'en servir comme exercice de travailler le contact, puis d'avoir de l'information aussi de ça à travers ça, là. Tout peut nous servir pour développer un petit peu de conscience ou de la science de compte. Je ne sais pas trop si je devrais dire ça. Non, exactement, mais sinon, il y a 7 jours sur Terre aussi qui font des analyses intéressantes sur le plan géopolitique. C'est une chaîne YouTube, là, où, très bien synthétisée. Puis l'avocat allemand, là, il lâche pas le morceau. Ça sent bien une cour internationale, je vous le dis. Rainer Fulmich. Rainer Füllmich qui a fait une série de. C'est traduit de plus en plus par Jeanne Traduction. Si vous voulez aller voir un petit peu ces traductions, parce qu'il s'exprime soit en allemand ou en anglais, puis toute la cour, tout l'exercice, là, ça a duré 5 volets de plusieurs heures. Mais il y a des grosses sections qui sont traduites par Jeanne Traduction, qui est très, très intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire. C'est loin d'être con. Ça nous donne une autre couleur. Quoi d'autre? Il y en a d'autres, ça ne vient pas de même, Mais il mais y a j'en ai. Studio Theovox. C'est sûr Théova, qu'eux autres, ça, c'est c'est par rapport à des chrétiens là, qui font la promotion de la Bible, mais ils ont quand même des fois des analyses intéressantes là, par rapport à l'actualité, la COVID, ces choses-là. ils sont respectueux aussi. Il y a le doctoton. Il y a eu un doctoton d'une douzaine d'heures, il y a à peu près 2 semaines. Vous tapez doctoton. Vous allez tomber sur. Ça, c'est des gens qui témoignent des effets secondaires, des témoins, des gens qui ont. C'est pas des témoins, ils sont pognés avec, là. Ils vous racontent ce qui est arrivé suite à la vaccination. Ça aussi, allez voir ça, c'est intéressant. Doctoton.com, je pense. Faites vos recherches. Oui, ben, en fait, Doctoton, j'en ai vu sur Odyssey des vidéos là, par rapport à ça. Il y avait d'ailleurs Jean-Jacques Crèvecœur sur sa chaîne qui en avait relayé. Cool. Mais tu sais, présentement, les témoignages liés aux effets secondaires par rapport à l'injection, il y en a plein. Oui, pas ici, par exemple. Tout se passe ailleurs. Nous, au Québec, il n'y en a pas d'effet secondaire majeur. C'est un petit peu plus de bras, là. Je t'ai pas compté, mon fils qui est pharmacien, qui m'a envoyé la liste par l'accès de. Lui a accès à une espèce de base de données où ce qui ont des informations truquées, là, mais qui se pensent pas truquées. J'ai pas dit, mais il m'a envoyé le lien puis l'accès. J'ai pu aller voir le registre des effets secondaires. C'est hilarant. Il n'y en a pas. Principalement, il n'y en a pas. J'ai même entendu dernièrement un pharmacien, il y a une dame qui a parlé quelque chose, puis elle a dit, ben, t'as l'effet secondaire, myocardite. Ben, non, madame, ça n'a aucun bon sens ce que vous dites là, là. Moi, j'étais morte de rire à côté, je suis partie, mais j'ai dit, si je m'en mêle, c'est sûr que je suis le pharmacien. Mais il contestait franchement fort, là, il était agressif, là. Fait qu'ils sont manipulés, les pharmaciens, puis au niveau de l'information, ce que j'ai su d'un médecin, que pour pouvoir faire le lien entre les effets secondaires et puis transmettre ça, il y a un des gros problèmes, c'est qu'un, il risque de perdre sa licence, ça c'est clair. Et de deux, la paperasse est tellement longue à remplir que ça demande un temps fou pour juste exprimer qu'il y a des effets secondaires. Fait que, tu sais, c'est une bureaucratie qui se met à compliquer ça pour être bien sûr que tu le fasses pas, tu sais. Non, exactement, parce que le médecin qui justement complète la paperasse pour un patient, si pendant ce temps-là, il en passerait 20 à la place parce que ça prend 1 heure, ben pour lui, c'est pas rentable. Je caricature, là, mais je veux dire, ça représente beaucoup de temps, tandis qu'aux États-Unis, de ce que j'avais compris, c'est que c'était les gens qui étaient confrontés aux effets secondaires eux-mêmes qui complétaient les documents en ligne pour le déclarer. Donc, ça passait pas par un médecin, là. Non, ça passait pas par le gouvernement qui ment. Ça passait direct dans la base de données par les gens qui y allaient. Mais c'est ça, il y a une grosse différence ici. On n'a pas beaucoup de jeux. Et on n'a pas beaucoup de droits individuels ici. Hein. Nous, il faut toujours passer par le gouvernement qui ment, puis qui redescend l'information d'une autre façon, là. Que ce soit l'ordre des médecins, moi, je suis très en colère contre les médecins parce que je trouve qu'ils sont épais, honnêtes, pour sauver le job. Qu'est-ce qu'on ferait pas, hein? Mais le problème, c'est qu'ils vont avoir des comptes à rendre dans quelques années. Parce que quand tu injectes, je pense que je l'avais compté, quand j'ai demandé à mon médecin il y a un an et demi qu'est-ce qu'il injectait, puis qu'il me répondait qu'il ne savait pas, là. Ben, j'ai dit, voyons, Jonathan, tu sais, t'injectes quelque chose que tu sais pas les effets secondaires. Ben, il dit, moi, je veux retrouver une vie normale. J'ai dit, hey, méchante, bonne raison, toi. Mais j'ai dit, ton premier serment de pas nuire, si jamais t'apprends que c'est de la chenoute que tu chenoutes, là, dans le corps des gens, tu vas faire quoi, mon ami? Ben là, on n'en est pas là, là. Ouais, ben, ça s'en vient. Comment tu peux être médecin, puis que ton premier truc que tu, serment que tu portes, c'est de ne pas nuire, puis que quand on te demande ce que tu injectes, tu le sais pas, tu penses que tu peux, tu sais, tu crois qui, là? Mais probablement que quelqu'un aurait pu te répondre, ben moi je fais confiance à l'ordre des médecins. Si l'ordre dans la revue ils disent que c'est bon la vaccination, je vais faire vacciner les gens. Puis là je m'appuie sur les spécialistes de l'ordre. Ben oui, comme ma mère qui ont passé l'UV, ben les médecins disaient, c'est donc bon les vaccins anti-grippe. Ben oui, ma mère a été vaccinée pendant 10 ans. Année par année, elle faisait une grippe, puis finalement, elle est morte d'un cancer fulgurant quand elle passait des examens tous les 3 mois. Ben oui. Ils n'ont pas vu ça, la masse d'un poumon après une radiographie, eux autres. Hey, gang, moi, excusez, mais l'Ordre des médecins au Québec, vous devriez vous méfier, c'est pas un ordre médical, c'est une mafia médicale. C'est bien différent. Glenn Langteau avait écrit un livre qui s'appelle La mafia médicale, puis c'est sûr que, en Il y a tout 20 ans, 30 ans de ça déjà. cas, ah oui, ça fait longtemps, elle avait mis en garde la population, puis c'est sûr, moi je me questionne sur l'ordre des médecins, puis en fait, tous les ordres professionnels qui sont sous la Exact. gouverne du gouvernement, là. Oui, mais en tout cas, je ne suis pas médecin, mais quand tu es médecin puis que tu gagnes 300 000 par année, ben c'est ça le salaire moyen d'un médecin généraliste, 300 000, puis on ne parlera pas des spécialistes, là. Je pense qu'après 10 ans, 300 000 par année, tu es capable de prendre ta retraite si jamais tu es mal pris, tu sais. Pas pour. Puis en passant, expliquez-moi qu'un médecin qui, mettons, ne veut pas jouer le rôle de jeu de la comédie qu'on passe, là, parce que c'est une comédie, là, plate, là, mais il perd sa licence de médecin, puis il n'a plus le droit de pratiquer. Ah bon? Parce que tu as 7 ans d'études, tu as fait tes études, tu n'es plus médecin, là, juste parce que tu ne fais plus partie de l'ordre. Tu trouvais pas que c'est déjà une mafia, ça? Il peut peut-être plus avoir accès au système de santé pour check-check, mais d'y interdire la pratique comme médecin quand il a le papier d'être médecin puis qu'il a fait ses études, de quoi tu te mêles, toi, tabarnak? Ah, ben là, ils vont dire c'est parce que c'est un acte réservé. Puis là, la personne peut. Réservé par l'ordre, Ben, mais c'est c'est un ça, médecin c'est l'ordre qui se donne le pouvoir de ben, c'est ça, déterminer c'est. c'est qui peut pratiquer l'acte qui consiste à pratiquer la médecine, guérir, porter un diagnostic. Puis dans un sens, on peut toujours argumenter là-dessus, dans le sens que si, par exemple, quelqu'un est accusé d'un crime. Bon, le gars, il est médecin, il tue ses enfants à coups de couteau. Ça devient comme logique que l'ordre lui enlève son permis de pratique parce que le gars-là peut être un danger pour lui-même puis pour les autres. C'est arrivé il y a quelques années et il n'a pas perdu sa pratique. Il pratique encore. Tu ne te rappelles pas de l'événement du médecin qui avait tué ses 2 enfants, là? Oui. Il t'a fait un peu de prison, pas trop longtemps, puis il est ressorti, puis je suis sûre qu'ils vont le réintégrer quelque part, dans une clinique privée ou ailleurs. Je suis à peu près sûre qu'il pratique aujourd'hui s'il est sorti. Il avait tué 2 enfants, là, à coup de couteau, bang, bang, bang. Ouais. Mais c'est des gens qui souffrent de maladies mentales. C'est une crise psychotique. C'est une crise de psychotique. On dit psychotique, je sais pas trop. Ben, c'est ça, c'est un épisode psychotique, là. Ouais, mais. Mettons que moi, s'il y avait un épisode de même, je me tiendrais loin de la personne. Le prochain épisode, ça va être quoi, tu sais? Parce que quelqu'un qui a un épisode comme ça, tuer ses propres enfants, hein, pas sûr que tu reviens de ça sain. Faut être déjà malsain un peu. Ben, la Ben, sans personne devait doute. être fragilisée avant. C'est C'est ça. comme au niveau supramental, on va parler de cas de possession. La personne est possédée par l'astral, C'est ça. puis elle n'est pas capable, avec sa volonté, de s'opposer à l'entité qui va l'amener à commettre une action anti-homme. Mais quand on arrive à un niveau de possession aussi important, je suis désolée, moi, pas sûr, je te lâcherais lousse. Je te lâcherais peut-être lousse, mais sous surveillance un peu, parce que c'est quand la prochaine étape où tu vas te faire ramasser une autre fois, là? Parce que ça peut se reproduire des événements comme ça en passant. Quand on se fait ramasser de même, aussi intense, parce que c'est extrême, là, à tuer nos enfants ou nos femmes ou notre voisin enragé, c'est comme possession, c'est pas. On vit des possessions, on se fait ramasser 3 jours par une émotion, on tue personne, là, une minute, là. Ouh, une autre idée, c'est une autre étape en termes de. Non, non, c'est sûr que c'est une étape très lourde en termes d'enlisement occulte, si on peut dire, de Puis je pense déposer. pas que c'est facile de sortir de là, c'est ça que Non, je veux mais dire. non, je suis d'accord avec toi, là. 3 ans de prison, puis tout va bien, là, puis je me suis mis une petite thérapie. Il y a un fuck quelque part au niveau du je sais pas quoi, ça peut être hormonal, ça peut être des problèmes, je sais pas, je connais pas la maladie mentale, comme certains disent qu'il y a un déséquilibre au niveau de certaines glandes qui fait que ça favorise la maladie mentale et tout ça. C'est possible. Mais ce que je veux dire, tu ne rentres pas d'un acte comme ça, puis penser que 5 ans plus tard, tout va bien. Non, non, non. Déjà, dans un névrosé, c'est pas facile à sortir de sa névrose. En fait, là, je fais du coaching évolutionnaire, puis des fois, j'empoigne une coupe de maganés, là. C'est rien que de la névrose, Chris, puis sortir l'entité de là, puis de cette entité de marde qui vient toujours nous faire chier, c'est quelque chose, une psychose. Hey, moi, je touche pas à ça aussi, je déménage. Pas sûr qu'on peut guérir de ça maintenant, vraiment. On n'a pas assez de connaissances sur les déclenchements de ça puis comment leur réparer ça, là. Bien, c'est sûr que c'est complexe, là, Mais c'est multivariable, là, mais éventuellement, il y aura sans doute une science multidimensionnelle au niveau de la Terre qui sera suffisamment intégrée pour composer intelligemment avec les gens qui connaissent ça. oui, ça s'en vient, je dirais, sur 50 ans, je pense qu'on va être capable de travailler la maladie mentale, puis trouver des solutions. Bernard en avait parlé, ça me revient, là. Lui, il avait dit quelqu'un qui souffrait de maladie mentale, entre autres les bipolaires, c'était de reprendre complètement l'éducation. On recommence. On le traite comme notre début de sa vie. On reprend toute l'éducation, tu repars à zéro. Schizophrénie aussi. Tu reprends comme des enfants, tu apprends à manger, tu les prends dans tes bras, tu les rassures. Tout a repassé le processus éducationnel. Ben, tout, c'est peut-être un petit peu excessif, là. Tu vas pas apprendre la personne à la propreté puis comment se torcher le derrière, là. Mais moi, j'ai déjà vu en tout cas, je ne veux pas trop parler parce que mon fils vient de partir, là, mais je dis mon fils, mais leur vraie mère, est-ce qu'elle souffre de schizophrénie? Puis je pense qu'il faudrait lui montrer comment se retorcher, oui. C'est particulier, la schizophrénie. Vraiment de la possession d'entité, là. Puis elle pense que se laver, c'est terrible. En tout cas, Oui, changement de sujet, c'est un peu lourd, ça, pour oui. les gens un peu. Mais moi, j'achève, là, mes chers amis, parce que moi, j'ai fait 2 heures de marche au soleil aujourd'hui. Puis j'étais un peu knockée, là. Après, je suis pas une fille qui va tellement au soleil. Mais il faisait beau aujourd'hui, puis il n'y avait pas beaucoup de feuilles après les arbres. Je cherchais l'ombre à un moment donné, que je dis. J'étais un peu Oui, fatiguée. ben, ce début du mois de mai, la température au Québec a demeuré quand même assez froide là, depuis les derniers jours. C'est comme normal qu'il n'y ait pas beaucoup de feuilles qui est sorties. Non, non, vraiment pas. Mais c'est que ça a changé. T'sais, il a fait très froid, puis d'un coup, aujourd'hui, au soleil, il devait faire 20-24, 20-22 degrés. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je n'ai pas checké. Mais c'était chaud. Mais je voulais juste te faire un petit panneau, petit cue aux gens. Qu'est-ce que tu penses de. C'est intéressant, notre amie Elon Musk et l'achat de Twitter. C'est intéressant, non? Qu'est-ce que t'en penses, David, toi? Bien, moi, ce que j'en pense, puis c'est sûr qu'à un premier niveau, au début, j'étais comme content. J'ai dit, il va permettre une plus grande liberté d'expression sur le réseau Twitter, puis il va comme rééquilibrer les forces, parce que là, c'était tout du monde t'sais, qui avait censuré Donald Trump ou autre, là, t'sais, toute la gang mondialiste, antinationaliste. Fait que là, je me suis dit, il va rétablir la liberté d'expression. Ça, c'est comme le premier niveau, si on peut dire. Mais un autre niveau, je me dis, il va se faire récupérer par le système. C'est juste une question de temps pour que ça retombe, que c'est censuré. Ça se peut, on verra, mais pour l'instant, c'est intéressant. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est le fou du roi. C'est-à-dire? Ben, il y a un plan. Le roi, c'est celui qui a l'autorité. Il y a un plan, là, tu sais. Puis le fou du roi, ben, c'est du divertissement, puis aussi d'une façon de perturber l'ennemi. Ou donner l'impression qu'une opposition, mais qui appartient en réalité à l'opposition contrôlée, qui est véhiculée par l'élite mondialiste. Oh, moi, l'opposition contrôlée sera un autre sujet, parce que moi, quand j'entends ça, là, je commence à être écœurée. C'est rendu que ça sert à toutes les sauces, les contrôler, Non, non, Jen mais en tout cas, dans son cas, je me pose sérieusement la et question, parce que si tu permets à quelqu'un d'être multimilliardaire avec un paquet de compagnies, si l'élite mondiale permet ça à quelqu'un, c'est parce qu'à quelque part, il cherche pas à le bloquer, ou il fait partie de leur gang, ou donne l'impression qu'il est une peut-être dissidence. qu'il a joué le jeu de jouer le gang, puis on le sait pas. Moi, je sais pas. Mais ça se peut. Mais ça se peut aussi qu'il savait ce qu'il faisait. N'y a pas juste des trous de cul dans le monde des très riches, en passant. Je dis pas que Elon Musk fait partie de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont un intérêt pour autre chose que de fourrer tout le monde, puis de tuer tout le monde, puis d'éliminer 500 millions, 500 millions sur la planète, là, tu sais. Je sais pas. Je pense qu'il a joué le jeu, moi. Ben, en fait, mon analyse, je vais la nuancer en disant que d'un côté, il s'affiche pro-liberté d'expression, puis faire une différence, mais en même temps, quand tu regardes par rapport à ses projets, que ce soit Neuralink, où chaque personne est branchée avec une puce, son cerveau avec des filaments qui la relient à une espèce d'Internet, ou ce que un peu comme les Borg dans Star Trek, là, qui sont reliés à une intelligence collective, qui vont suturer à chaque individu qui constitue le réseau de l'information, un peu comme des autos autonomes branchés sur la même infrastructure, ben c'est ça, Neuralink. Ensuite, Non, tu prends son projet Tesla Boat, des humanoïdes qu'il veut mettre en place pour aller créer des bases sur Mars, qui vont amener les gens avec SpaceX pour mettre en place les infrastructures qui vont être habitables par des êtres humains par la suite. Ben, c'est sûr que c'est pas fou l'idée d'envoyer des humanoïdes robots pour construire les infrastructures, parce qu'eux autres, ils n'ont pas de problème d'être exposés à du grand froid, à des conditions inhumaines. Puis il y a différents projets, mais tout ça, je trouve que c'est beaucoup lié avec le transhumanisme. C'est sûr, d'un côté, il a mis en danger les gens contre l'intelligence artificielle. Ben, surtout qui. Tu sais, prenons l'exemple de la thérapie génique, mais ce que tu dis, moi, je suis d'accord, c'est aussi ce que je ne sais pas quoi penser de lui. Moi, je dis juste un fou du roi, c'est ce que j'entends. OK. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de problème avec un certain le développement de technologie. Je suis pas anti-technologie. Mais le problème, c'est qui se sert de ça pour faire quoi? C'est ça qui est le problème. Puis que y a pas assez d'humains intègres sur la planète présentement pour faire une bonne gestion de ces sources. Tu sais, en quoi serait un problème que quelqu'un qui perd son bras, qu'on y implante un bras bionique puis qu'il puisse retrouver une fond. Ça serait quoi le crise de problème? Il n'y en a pas de problème. Un cancer, on t'enlève le foie, on t'en remet un autre. Why not? C'est pas utilisé dans ce but-là. C'est ça le problème. C'est que c'est utilisé contre nous et non pour nous amener plus loin. C'est juste qui contrôle l'argent qui est le problème. Mais j'ai pas de problème avec la thérapie génique, si ça peut sauver des vies, moi. C'est pas con, la thérapie génique. J'écoutais Mme Orion-Claude, Alexandra Orion-Claude, qui a travaillé 30 ans dans l'ARN messager, là. Il y a des choses, comme a dit, qu'application qui pourrait être intéressante, mais le problème, c'est comment ça vit. C'est toujours noyauté par des intérêts financiers. C'est ça qu'on parle, là. Elon Musk, je ne sais pas quel bord qu'il est non plus. Mais il est peut-être entre les Pour deux. l'instant, il est rigolo. Il m'amuse. Puis ce que moi, j'ai compris, c'est qu'il a accès à de l'information parce qu'il devient propriétaire de Twitter. Là, il y a du monde qui dit qu'il perd tout d'un coup plein de gens qui disparaissent dans le like, là, le supporter, il y aurait comme accès à de l'info. J'ai pas bien saisi, il faut que j'étudie la question un petit peu, relire. Des fois, ça me tente pas, là, mais il y a accès à tous les codes sources de toutes les informations qui ont été censurées par qui? OK. Alors, il y a du monde qui ne doit pas avoir. Il y a du monde qui ont des postes très importants aux États-Unis. Et non, on ne touche pas à la liberté d'impression. La censure, on ne touche pas à ça. Mais lui, il y a les preuves que ces gens-là ont censuré puis ont provoqué des choses par les ID machins. Ils peuvent tout retracer, là. D'ailleurs, vous devrez écouter 2000 mules, hein. Très intéressant, le documentaire 2000 mules. Ah, je connais pas. Ah! Ils ont plugué 2000 personnes, ils ont suivi 2000 personnes, puis la fraude électorale aux États-Unis, elle est très claire. Puis là, présentement, on parle d'une fraude aussi avec les élections françaises, là. Ben, même ici, je suis désolée, Trudeau, il n'est pas rentré au pouvoir parce qu'on n'a pas triché. Ah! Ils font ce qu'ils veulent avec les élections, les machines, là, je vous le dis. Mais ça, ici, on n'est pas encore capable de comprendre ça, mais c'est clair que ça se passe ici, ça s'est passé en France, comme ça s'est passé aux États-Unis. Puis on veut voir qu'on comprenne que ça s'est passé en Argentine, puis au Brésil, puis ailleurs. S'il y a des machines qui calculent, là, il est toujours possible de rentrer là-dedans puis d'hacker. Puis en France, ben, c'est assez évident, là. Il y a 1 million de Marine Le Pen qui a perdu 1 million de votes en 24 minutes, là. Il faut le faire, tu sais. C'est du jamais vu, ça. T'es à 14 millions, le lendemain matin, t'es à 13. Ah bon? Depuis quand qu'on perd 1 million de votes? Ah, mais il y a une erreur. Ah oui, 1 million de votes qui est passé de l'autre bord d'un coup, il y a une erreur. Je sais pas c'est qui l'erreur, mais en tout cas, le pitonneux, il était bizarre. Ils Et sont on fait trompés de chiffres au bulletin de complètement nouvelles parce impossible. qu'ils étaient trop pressés de donner les résultats. Non, c'était mathématiquement, je peux comprendre. Mettons qu'il y a eu une erreur. Mais là, il y a 1 million, ça a été filmé sur France 2, puis il y a des gens qui ont vu 14 millions de coqs, mettons, à telle heure. Puis le lendemain matin, je dis des chiffres, là, mais il y avait 1 million de moins. Mathématiquement, c'est pas besoin d'avoir été à l'école longtemps, les amis, pour comprendre ça. Même moi, je l'ai compris, puis je suis pas allée mettre en maths, pas bien bonne, même de la misère à calculer des fois. Donc, comment tu peux perdre 1 million de votes qui vont tous dans la même direction? Il y a combien de chances que ça arrive, ça? Non, mais on peut Ben, dire que c'est une faute de frappe. C'est comme TVA, ils font régulièrement des fautes dans comprends, leur titre. mais tu peux pas enlever 1 million à quelqu'un qui vont tous à la même place. Puis dire que c'est une erreur, mais ça marche pas. C'est impossible mathématiquement, David. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais je veux Il y en dire. a au moins 400 000 qui auraient pu rester chez eux, puis l'un autre. Là, ça aurait été plus intelligent. Même là, mais, tu peux pas dire qu'il y a 1 million de personnes qui a été calculée pas correctement. Puis il y a même eu l'exercice de gens qui ont ouvert des bulletins de vote. Puis c'était tout le temps Marine Le Pen qui avait un petit crochet sur son petit bulletin de vote. Tu sais, en France, le bulletin, il y avait des bulletins qui étaient déchirés dans l'enveloppe. Mais c'était toujours Marine Le Pen. Mathématiquement, c'est impossible, ça non plus. Hein. Puis une courbe qui progresse toujours de la même façon parfaite, ça non plus, c'est impossible. Fait que, en tout cas, je suis pas bonne en maths, mais je suis capable de lire une courbe qui n'a pas d'allure, là. C'est impossible que ça donne une ligne bien droite de même. La progression, c'est né, puis des Non, tire-bonds, je puis. comprends, ça fluctue un petit peu comme l'indice de la bourse. En tout cas, le peu de statistiques que j'ai fait au cégep, j'ai appris une chose avec mon prof belge, c'est la première chose qu'il nous a dit. Les statistiques, on fait dire ce qu'on veut avec ça. Ça s'appelle. Les mathématiques du mensonge. Imagine, c'est un Belge, j'ai enseigné ça, j'avais 18 ans, les amis. En statistique, au cégep d'Alma, en psychologie, première affaire que tu apprends, c'est manipuler les statistiques, toi. Fait que j'ai retenu la leçon. Oui, puis je pense que nos dirigeants aussi, avec la manipulation sur le nombre de cas COVID, de décès, puis les... En tout cas. Puis pas de. Puis tu sais, pas toujours pas d'autopsie, puis. Non. Tout va bien. Mais on ne veut surtout pas d'enquête publique sur la santé du CHSLD, ce qui s'est passé dans le CHSLD. Non, non, non, non, non. Ah moi, il ne faut pas que j'écoute les débats de la Chambre comment c'est la Chambre des communes, non, la Chambre au Québec, là. Je ne suis plus capable de les écouter tellement ils mentent. Ils font pitié. Hey, on a fait ce qu'on a pu! Hey, tu penses toujours pas me tirer de larmes, toi, tabarnak? J'y botterais le cul, pas rien qu'à Legault, là, à l'autre, la ministre de la chose, de la Marguerite famille. Blais, la ministre Marguerite Blais, des Aînés. ben là, on a fait ce qu'on pouvait, vous pensez que vous auriez pu faire mieux? Ça peut pas faire pire que toi, Chris. Puis ils ont des preuves, hein, d'appel au 911, puis dit n'importe quoi. Écoutez ça vaut la peine si vous aimez le show, mais moi, je suis pas capable, je trouve ça trop imbécile, là, mais. Pas imbécile, mais ce qu'il dit, c'est tellement. Méprisant pour les gens. T'es ministre, je suis pas responsable. Ben excuse-moi, la première chose que tu signes quand t'es ministre, c'est que t'es responsable de ton crise de ministre, de ministère, puis de tous tes sous-ministres, Chris. Ça, là, c'est un. que les gens signent en passant quand vous êtes ministre. Le contrat, là, c'est que vous êtes responsable du ministère au complet, incluant vos sous-ministres, parce que les ministres, ils font du ni-ni-ni, on paraît bien, mais le travail se fait par les sous-ministres. T'es responsable. Puis là, elle vient nous dire, ben là, pas responsable. Hey, tabarnak, t'as signé quoi, toi, il y a 4 ans? Legault, on fait bien ce qu'on peut, là. On a fait du mieux. T'es responsable, gros con. N'est pas me dire, ça, je le prends plus du tout. Pas, on a fait ce qu'on a pu. Ben, on n'a pas fait assez, Chris. À défaut d'être un criminel, tu es un hostile incompétent, dégage. Oui, mais Voyons. on va te répondre que le parti d'avant, il n'aurait pas fait mieux, puis ils font pas mieux depuis 20 ans. Ben, c'est ça. Bon, on élimine Hey, il faudrait que je t'envoie ça, un document qui démontre qu'on est un gouvernement complètement illégal ici. Ah, ben, Je tu me l'avais t'arrête. partagé. Oui, tu l'as-tu écouté? Mais honnêtement, j'ai décroché parce que c'est complexe. Oui, c'est très complexe, je suis désolée. Oui, je vais essayer de le travailler moi-même, mais oui, c'est complexe. Je suis tombée là-dessus, moi, le cul, je suis tombée en bas de ma chaise. On aurait des gouvernements complètement inconstitutionnels. Puis elle semble avoir des preuves solides, la dame. Hein. En tout cas, c'est à revoir si jamais un jour je comprends quelque chose, j'essaierai de vous l'expliquer. Mais ça me J'avais déjà entendu parler de ça, mais c'est d'être capable de le comprendre pour être en mesure ensuite de vulgariser l'information, puis aussi s'appuyer sur différentes sources, parce que c'est quand même gros, là, tu sais, de dire ça. Fait que moi, j'essaie de voir les références, si ça avait sorti sur plusieurs plateformes, pas juste une personne en particulier ou une organisation, là. Oui, c'est ça, c'est assez dark là, pour l'instant, je ne sais pas. Mais c'est un petit peu comme, moi, je voyais ça un peu comme les impôts qu'ils nous imposent, les gouvernements. Prenons un exemple, il y a des impôts qui ont été implantés pour une durée de temps, mais ils n'ont jamais disparu, tu sais. C'est anticonstitutionnel, ça. Tu pars un impôt pour, mettons, payer la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, mais là, Christ, cet impôt-là est resté tout le temps, La Deuxième Guerre mondiale, ça fait longtemps qu'elle est payée, en principe, là. Fait qu'ils continuent à garder des taxes puis des impôts sur nos revenus, mais qui ont pas tant de légitimité, mais parce qu'on est ignorant de ce qui est légitime et pas, puis des lois. Moi, la première, là, je comprends pas toutes, là, mais il y a des choses comme ça qui se produisent. On est surtaxé, mais il y a des taxes que je suis pas sûre que c'est constitutionnel. Non, exactement. Je pense que c'était Galeazzi, l'avocat, qui avait fait des démarches en lien avec la constitutionnalité là, par rapport à l'impôt il y a quelques années. Puis, Il avait gagné ses causes, d'ailleurs. mais on n'en avait jamais entendu parler dans les médias de masse. Oui, je sais, on n'entendait pas parler de lui non plus, mais il est en cours contre la. Il est en guerre contre le gouvernement du Canada. Puis fiez-vous sur nous qu'il ne lâchera pas le morceau. C'est pire qu'un pitbull, ça. On n'en entendra pas parler à la radio, à la télé, à moins que ça devienne assez gros, parce qu'il y a un bon dossier qui s'en vient. Je te dis, ça va passer bientôt dans les systèmes de justice. On regarde juste la situation de François Amalega au Québec. Sur quatre procès, il y en a eu deux qui ont deux juges, un juge, entre autres, à Montréal, qui a dit qu'il avait des frissons dans le dos de voir quelqu'un en prison sous des allégations qui ne sont même pas prouvées. Puis là, dans le troisième procès qui était à Trois-Rivières la semaine dernière, le témoin à charge contre lui s'est jamais présenté. Normalement, quand un témoin à charge ne se présente pas lors d'un tribunal, la cause est suspendue et terminée. Mais pas à Maléga. On le réenferme en dedans, puis on reviendra le 9 mai, on va recoller le témoin. Oh boy, il est à 125 jours de prison sans aucune accusation réelle. Ben non, c'est fou, là. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, c'est pas que ça, François Malléga, hein? C'est pas à Tombouctou en Chine, câlisse. Regardez ce qui se passe au Québec. Puis la juge à Trois-Rivières, lui, je pense que ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander le retrait de cette juge-là parce qu'elle n'est pas partiale, puis c'était très clair en passant, qu'elle était pas impartiale, elle était partiale. Il n'était pas dans l'impartialité. Puis je crois qu'il va faire la demande de qu'elle soit révoquée puis d'en prendre un autre. Puis je l'espère qu'il le fera. Parce que ça, c'est un de ses droits qu'il a. Il se défend lui-même en passant. Hein? Il est conseillé par des avocats, mais il n'y a pas d'avocat pour le défendre. Il se défend lui-même. Et étrangement, comme si moi j'allais en cours me défendre, dans le cas où je suis Françoise Amaléga, comme je suis l'avocate de moi-même, en cours, j'ai le droit de pas de porter le masque. Hein. Les avocats en cour et le juge ont le droit de ne pas porter le masque dans la salle. Étrangement, on y impose à lui. T'sais. Déjà, c'est. Puis il se bat contre ça. Ben oui, ben C'est c'est ça l'ironie du sort. de la libre expression, puis il est contre les mesures sanitaires, puis il veut qu'on y explique, puis qu'on y prouve que ce qu'il dit, c'est réel, puis on l'enferme pour ça, là. Cet homme-là a un courage de béton. Oui. J'ai une grande admiration pour ce genre d'homme. Oui, puis Quand lui, il on avait un est. poste de professeur de mathématiques, tu sais, dans le système éducatif, fait que. Tu sais, c'était un professionnel, il avait quelque chose à perdre, puis il a eu l'audace, comme on dit, de mettre sa tête sur le bûcher. Ben, il enseignait les mathématiques au Collège Brébeuf. Et ça, c'est le collège de Justin Trudeau, la Flaque nationale. C'est le collège des gens les plus riches de Montréal qui vont là, les amis. Collège Brébeuf. En tout cas, il avait l'audace, c'est ça, de sortir publiquement, là, quitte à que ça nuise à sa réputation professionnelle. Il a tout perdu. Il a perdu sa job. En passant, il n'y a pas d'assurance chômage ni de BS. Il refuse de prendre quoi que ce soit comme source de revenus du gouvernement, de nos impôts. Il est soutenu par des dons dont je participe fièrement. J'en suis fière. Je supporte tant que je peux. J'ai donné 300 $ aujourd'hui à quelqu'un, on dirait, pour remettre dans la cagnotte de la gang. Et je vais continuer tant que je peux. C'est comme ça qu'on peut faire des mouvements, on peut faire des petits choix, des petits combats. Je ne vais pas au combat comme lui, je ne suis pas capable. C'est pas ma fonction. Mais on peut supporter quelqu'un. Ça demande des couilles, les amis. Imaginez-vous 2 minutes et demie. Là. Va avoir une colonne, une centricité hors du commun maintenant. Un entêtement, vous direz peut-être. Mais en tout cas, pourquoi il n'est pas sorti? C'est qu'il refuse les conditions de sortie. Parce que les conditions de sortie, c'est justement pour ça qu'il se bat. On y impose de ne pas aller là, de ne pas faire de commanif, de ne pas faire de rassemblement, de ne pas faire ci, de porter un masque, d'aller se faire vacciner. Mais il dit, ben non. C'est contre ça que je me bats. Fait qu'on le renferme dans la prison sous prétexte qu'il ne respecte pas les conditions. Ben oui, mais tes conditions sont épaisses, Chris. C'est pour ça qu'on le poursuit. C'est ça Ben oui, c'est ça le bat. sac vicieux qui l'enferme dans cette structure-là. Il cherche à le casser, à briser son moral. Exact, mais ils réussiront pas, il est incassable, ce gars-là, je te dis. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai senti. Pourquoi je vous dis ça? C'est que je suis allée à un moment donné à Laval, dans un petit rassemblement qui avait calé devant comment ça s'appelait ce magasin? C'est un restaurant qui essayait qui implantait le code QR dans les premiers temps. On n'était pas nombreux, peut-être 200-300 personnes. Puis moi, quand je touche quelqu'un, je sens tout de suite l'énergie de la personne. Je suis capable de bien identifier. Oubliez ça, il lâchera pas, il va mourir avant. C'est un On va tout faire. consacré. Moi, Hein? je le vois comme étant un consacré. Autrefois, tu avais des gens qui étaient consacrés à Dieu, tu avais des saints, puis lui, c'était un consacré à la défense des droits et libertés. Un con à sacrer ou un sacré con, je ne sais pas. C'est une blague. Non, mais c'est un homme qui a beaucoup de convictions, probablement, puis de certitudes personnelles, puis il se bat pour ses valeurs, puis je trouve qu'il mérite du respect, minimalement. Puis je trouve qu'il y a des couilles, que je trouve qu'au Québec, ça manque, les hommes, on manque un peu de couilles. Je trouve qu'ils ont des petites pinottes dans les culottes, là. Ben lui, il vient, si je me trompe pas, c'est du Cameroun. Il vient d'un pays d'Afrique, tu sais. Oui, Camerounais C'est d'origine. ça. Mais Puis il est venu au Québec, puis il se tient plus debout que des Québécois de souche. Exact. Ben, il a connu la dictature, puis c'est quoi aussi la vie. Je peux vous dire qu'en Afrique, c'est pas simple non plus. Là. Je suis déjà allée, là, puis. Système D qui appelle, hein, système débrouillardise, ils savent c'est quoi. C'est des régimes, c'est des sociétés sans aucun support de régime. L'assurance emploi, l'assurance chômage, le bien-être social, puis les petits dons, ça n'existe pas, oubliez ça. Les hôpitaux non plus, les soins coûtent la peau des fesses, il n'y a pas d'assurance. Donc, pour lui, il sait c'est quoi vivre dans un pays pire que le sien, mais il est nationalisé. Il hein, ne faut pas oublier parce qu'à un moment donné, ils ont voulu l'exporter, tu ne savais pas ça, là. Ils ont voulu le sortir du pays, le retourner chez eux, mais ils ne peuvent pas, il est canadien. De la citoyenneté canadienne. Ouais. Fait qu'ils sont fourrés avec, comme on dit chez nous. En tout cas, ça finit sur une belle note. Il va s'en sortir, Maléga, ne soyez pas inquiets. Mais ça nous démontre un petit peu qu'il y a des juges corrompus. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des juges qui ne sont pas des bons juges. Pas, je ne dis pas que toute la justice est corrompue, parce que sur ce procès-là, il y a, sur, comme je dis, sur quatre procès, il y en avait quatre. Il y a quand même eu deux juges qui ont dit aucune raison de le tenir en prison, cet homme. Puis il y en a même un qui a demandé un examen psychiatrique, puis le juge a dit non. Le monsieur est très articulé, il est très intelligent, il est très calme, il sait ce qu'il dit, il n'est pas malade mental, oubliez ça. On essaie de le faire passer pour un malade. Il y a un, le, à Joliette, ben, c'est un juge qui a eu la trouille, lui, il a dit je ne sais pas quoi faire, je reviendrai avec mon jugement au mois de mai. Il a reporté ça, son jugement, au 26 mai. Lui, il a eu peur. Puis là, il y a eu cette juge, une femme juge à Trois-Rivières qui était très partiale, qui ont attendu 1 heure et demie un témoin qui ne s'est pas présenté en cours. Ça coûte combien, ça, aux contribuables, ces conneries-là, vous pensez? Ah, ça doit être des milliers de Quatre procès. dollars. Quatre procès sur zéro preuve jusqu'à maintenant. Combien vous pensez que ça va avoir coûté de nos impôts, les conneries de notre beau gouverne qui ment? Au lieu de se préoccuper de l'argent en Russie, puis de l'Ukraine, puis d'Elon Musk, ça ne vous tenterait pas de vous occuper de ce qu'ils font avec notre argent ici, au Québec, en passant, juste de même. Restons dans nos culottes. Non, exactement. C'est un gaspillage des fonds publics, là, toute la saga, puis ça chante dessus. Moi, C'est j'ai deux, l'impression. c'est chien mon os, quand on l'a. Ouais. Chien mon os! Quelle honte! On se dit un démocrate social, non xénophobe, raciste. Regardez ce qui se passe. Puis vous laissez faire ça. Oui, non. Ah non, levez votre bout, puis oui, de bout, Chris, ça n'a pas de bon sens. Non, dites non. Non, plus de barre de masque. Non, je ne me fais pas vacciner. Non, c'est terminé. En passant, à Montréal, je vous dis que ça change beaucoup. Je vois une grosse différence depuis 2 semaines. La température se réchauffe aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à mesure que la température va chauffer, va réchauffer, pardon, les gens vont se dire, ben là, on n'a plus besoin de masque, ou il y a moins de risque de transmission. Oui, mais c'est pas là que je te dirais que je vois le plus grand changement. Moi, je parle aux gens. J'ai une personne qui aime ça parler aux gens. Fait que aujourd'hui, par exemple, on prend un taxi parce que je voulais aller au rassemblement en taxi avec une amie. Fait que on prend le taxi. Pas de masque, moi, là, on oublie ça. Il y a un niveau ici. Fait que j'ouvre la porte, je dis, ah, monsieur le taxi, est-ce qu'on peut rentrer sans masque? Sinon, j'en colle un autre. Non, non, rentrez, rentrez, rentre dans le char. Un Algérien. Kabyle. Si vous savez pas c'est quoi des Algériens kabyles, c'est pas des Arabes, les Kabyliens, pas ça. La Kabylie n'est pas arabe, hein, parce que le monde arabe n'est pas pareil. Et monsieur, il me raconte sa vie, c'était très intéressant. Femme pas vaccinée, lui, il s'est fait vacciner parce qu'il avait eu peur. Il a eu peur, là, il nous a conté sa vie. Bon, on était sans masque dans l'auto, rien de cela, puis il s'en colissait. Ça, il y a 1 mois, à Montréal, en taxi, t'aurais pas vu ça. Mais je te donne plein d'exemples de même. Je rentre dans les restaurants, moi, pas de masque, ou bien moi, je rentre pas avec le masque, me l'enlever dans la face, rendu assis, je trouve ça absurde. Non, non, il faut être dommé pour que le virus, il est tellement intelligent. J'en veux plus. Fait que moi, j'embarque pas là-dedans. Fait que je demande tout le temps si je peux pas rentrer si je peux rentrer sans masque. Depuis 2 semaines, aucun problème. Puis j'ai Ben, jamais eu de cas tant de mieux. QR en passant, je suis rentrée dans des restaurants pareils. Tout le long. Depuis 2 ans. Donc, moyen de résister, ce que j'appelle, moi, je parle de désobéissance civile, carrément. Rendu où je suis. Moi, je suis en désobéissance civile depuis un bout. Mais je crois que c'est important qu'on regarde cette possibilité individuellement. Mais si on se met tous à désobéir, qui respecte les lois tant que ça au Québec? En passant, je me suis encore fait couper sur une lumière rouge aujourd'hui, là. Tout le monde respecte la loi, bien sûr. J'ai même vu un homme rouler il y a 2, 3 jours, tu sais, des voies simples, en auto. Lui, il a décidé qu'il roulait à gauche contre le courant sur la rue Villeray pendant 8 km. Voilà. Mais il porte son masque. Non, Ah, il est correct, il est en sécurité avec le masque. mais c'est dans. Les gens, ça figeait. Il y a même un autobus qui s'est tassé, qui a arrêté, un autobus transport en commun. Il roulait vraiment dans le sens inverse. La voie, il y avait. Puis il passait, puis il revenait, puis il se tassait, il revenait. C'est un délire. Ouf. Mais on respecte la loi au Québec. Qui respecte la loi au Québec tout le temps? Qui roule à 100 km/h sur l'autoroute 15, Chris, quand je me fais doubler à 120 en plein milieu de la ligne? Dans le sens, je suis sur la voie du centre, je me fais doubler des deux bords à 120. Oh oui, on respecte la loi! Gang d'hypocrites. Qu'est-ce que faire? Sans parler des dirigeants qui respectent pas tout le temps les mesures sanitaires, comme François Legault et les autres. Même Arruda aussi. Ouais. Poignée Arruda, un bateau aussi, il n'y a pas de masse pendant la période où on va faire la ligne, la courbe, n'importe quoi. On le sait qu'ils nous manipulent puis qu'ils mentent. Arrêtez de faire les hypocrites. On Un jour, sait. les masses vont finir par tomber. Puis en passant, se tenir debout, ça donne bien du gaz. Je peux juste vous dire ça. Je vais finir sur une bonne note. Moi, là, de me tenir verticalement, là, avec respect, je force personne. Tu veux pas de moi dans ton restaurant, je décolle, il n'y a pas de souci. Tu me fais faire la ligne dehors, hein? Merci, au revoir, je m'en vais. Si je peux pas rentrer dans un taxi, tu me dis, je m'en vais, mais je me plie pas à ça. Vous avez pas idée de l'énergie que ça nous donne. Essayez-le donc. Juste un petit défi personnel, tu sais. C'est très, très énergisant, David. Ça a quelque chose qui nous ramène à une centricité, puis à une capacité de. Ça nous donne confiance. On découvre qu'on a des droits, puis qu'on peut être respectueux, même en ayant des droits. On peut être respectueux, même si on bafoue nos droits, je veux dire, pardon. Mais ça nous donne vraiment une centricité intéressante. Mais je me bats pas avec le monde. Je ne veux pas me mettre à me battre avec eux autres parce qu'ils capotent, là. Les gens capotent, je dis, ben, excusez-moi, je me retire, je me retire, je m'en vais dans une autre direction. Mais il y a toujours des gens qui vont. C'est ça, je dis, j'ai jamais manqué de rien depuis 2 ans. Moi, le masque, j'ai porté ça un gros 5 minutes par jour au maximum dans la période d'éveil, là, pour aller à l'épicerie vite, vite. Dans le temps éveil, là. Puis je l'avais en bas dans le dessous du nez. Madame, mettez-moi de masque en dessous du nez. Je peux pas, je suis asthmatique. Ah, ouais. Ah, ben, écoute, appelle ton boss, mais moi, je respire pas avec ça en bas du nez, en haut du nez, je suis pas capable. Ça passait. Ça s'ostinait un peu, petit monsieur. Il engage des jeunes de 17-18 ans là, pour nous faire la morale. J'ai même pogné un moment donné, j'ai eu une discussion avec un jeune. Il me parlait. J'étais comme, hey, excuse-moi, on n'a pas élevé cochon ensemble. Il me dit, allez vous informer, vous êtes mal informé. J'étais comme, ah, je suis partie à rire. Hey, j'ai dit, t'as le cuvert, tu t'as même pas 20 ans, toi là. Puis tu me dis, moi, d'aller m'informer. Vas-y, toi-même, t'informer. T'as un problème, jeune homme, là. Puis j'ai dit, change de ton. C'est quoi ce ton? J'ai dit, t'as une petite bosse des bécosses, là? C'est quoi ton problème? Ben, mettez votre masque. Non, je ne mets pas mon masque. Ça va être en dessous de mon nez. Tu n'es pas content, appelle ton boss. Bye, je suis parti avec mon chariot. Je n'ai jamais personne m'écœurer. Je suis à IGA. Faire le beau bien. Il y a un an et demi de ça, là. Hey, de ne pas se laisser faire, c'est ça que j'essaie de dire aux gens, de se tenir. Mais si j'appelle le boss, puis que le boss me dit, hey, madame, vous sortez d'ici, mais non, je n'ai pas le même, vous sortez. Bye. Mais ça n'arrive pas, c'est ça qui est assez fascinant. Même à la SAQ, j'avais pogné une japonaise complètement hystérique, assise sur le masque. C'est elle qui a perdu contenance quand j'ai dit que j'allais la filmer. J'ai dit, là, ça va faire, madame, là. Hey, je ne vous sers pas, je ne vous paye pas, vous tombez. J'ai dit, mais elle était énervée, ma reine. Gros masque dans la face avec un plexiglas puis une petite trou dans. J'ai dit, hey, ça va faire, là. J'ai dit, à partir de maintenant, je vous filme, puis je vais vous poursuivre, puis je vais porter plainte contre vous. Par la machine. Si je te dis qu'elle a changé de ton, en tabarnak. Même, puis, c'est ça, là, c'était rough, là. Puis autour, là, les gens qui travaillent là, il n'y en a pas un autre qui est intervenu. En passant, ils devaient tous la trouver hystérique. Et oui, là, les autres qui travaillent dans le sac, beau bien, encore, ils sont pas venus me dire, madame, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, là. Ils sont pas venus. Ils m'ont laissé faire avec la folle. Et j'ai commencé à filmer, puis à un moment donné, j'ai dit, apprenez-vous mon argent ou pas? Je peux pas prendre l'argent, je prends juste les cartes. Je disais, hey, la loi dit que tu n'as pas le choix de prendre l'argent, tu n'as même pas le droit d'interdire que l'argent ne circule pas, OK? Tu devrais t'informer de la loi, madame. Oh, tu aurais dû y voir la face, ça valait 2 500 piastres, les amis. Elle est venue en elle, mais elle n'a pas eu le choix de me servir. Puis je suis partie avec mon alcool pareil. J'ai dit, merci, madame, bonne journée. Fuck you. Mais c'est ça, faire face à des petits bœufs, des fois, qui, moi, m'a donné quelque chose. Ça m'a donné de l'énergie. Il s'agit des combats qu'on mène, nous reviennent. J'ai confronté une peur. C'était une peur à l'époque. Je crois que je t'en avais parlé tout à fait. Ouais. comme je suis déjà sortie le soir et essayer de me faire arrêter par la police, je trouvais ça inspirant qu'à Malaga fasse ça. Mais à Malego, j'ai l'impression, là, un peu comme en Afrique du Sud, sous l'apartheid, où Nelson Mandela avait été emprisonné pour des raisons politiques. Mais j'ai Totalement. l'impression que c'est notre Nelson Mandela au Québec, François Malega. Exact. En passant, là, si la communauté internationale, des gens, la conscience des gens, s'était pas mêlée d'un problème qu'il y avait, parce qu'il n'est pas totalement réglé le problème, mais ça s'est quand même nettement amélioré, s'il n'y avait pas eu Nelson Mandela, puis il n'y avait pas eu aussi les gens comme moi puis toi qui se sont sensibilisés à cette réalité d'apartheid, ça n'aurait jamais changé. C'est parce qu'on a pris conscience de cette injustice flagrante qu'ils ont été obligés de reculer. C'est la même chose devant notre gouvernement ici qui nous Oui, ment. avec l'apartheid sanitaire. Mais c'est ça. Là, ça va faire. Pour ça, je dis non. Dire non. Essayez donc de dire non. On est là. Ouais, on sait comment dire oui. Ah oui. Ah, OK. Non, non, c'est assez, là. Il y a du monde qui meurt, là. Puis il y a du monde malade pour toutes sortes de... C'est grave ce qui se passe, là. Ça suffit. C'est un minimum. En tout cas, je m'arrête là-dessus, mes chers amis, parce que je pense que tout a été dit. Puis je vais aller manger. Oui, c'est bien correct, Mona. Donc, écoute, ça va être encore une fois des dossiers à suivre parce que la pandémie, moi, j'ai l'impression, je vais arrêter là-dessus, là, c'est que là, présentement, le gouvernement au Québec donne une pause aux gens parce qu'on se rapproche, de la période électorale pour le mois d'octobre 2022. Mais une fois que, le gouvernement va être au pouvoir, au mois d'octobre, s'ils reconduisent, ils vont nous en remettre des mesures de contrôle. Puis moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, il a été réélu en dépit de toutes les lois liberticides, un peu comme Justin Trudeau, qui ont été mis en place depuis le début de la pandémie. Impression qu'il va continuer avec en France l'identité numérique puis le passeport. 2023, tout. Non, oublie ça. 2023, là, ça pète. Ça passe pas. Il s'essaye, mais ça passera pas. Ça, c'est enregistré. On l'écoutera en Ben oui. 2023, fin 2023. Mais Plus précisément, on va se donner un en rendez-vous pour passant, le... faut que je donne les crédits de ça un peu. Moi, j'ai collé là, mais c'est il y a 20 quelques années, Ménard en parlait. Et Daniel Ménard a toujours dit qu'en 2023, tout pète. Ben, il y a Alors, Richard Glenn aussi qu'on avait déjà parlé. Fait que là, ça se rapproche, hein? C'est le 24 février 2023 que selon ah oui. Richard Glenn, là, ça va être le moment du rendez-vous. Donc, on va voir si nos membres de nos élites vont se rendre à une autorité plus grande qu'elles, voire cosmique ou extraterrestre, mais en tout cas, c'est sujet à Je ne sais pas comment discussion. ça va se passer, mais il y a quelque chose qui va se passer en 2023 qui bloque toutes ces. Pour ça, je dis pour. Je me sens pas menacée ici au Québec parce que je sais que ça va prendre fin. Mais quelle forme ça va prendre, on ne nous le dira pas. En passant, ils ne nous diront jamais l'avenir. Parce que pour que ça se passe, il ne faut pas le dévoiler. Alors, quand même, tu aurais le canal gros de même, là, une grosse connexion. Là, pour ça que Glenn, là, son 24 février 2023, on verra. Ça se peut. Mais je sais une chose, c'est que ne nous dévoilent pas d'avance les plans. Fait que. Mais à ce moment-là, il y avait Bernard de Montréal aussi qui avait fait des annonces par rapport à l'avenir. Il y avait plein en Marc de la Salle aussi, plein de monde. Puis toi-même, tu fais des annonces que ça passera pas pour 2023 en faisant référence à Ménard. Oui, mais moi, je te dis, c'est tout pète en 2023. Ça veut pas dire, j'ai pas dit de date, je t'ai pas dit Ben, t'as dit quoi, la puis je date sais de pas quoi exactement 2023. non plus. Mais je sais qu'on pogne quelque chose là qui va faire Oui, mais pfiou! je veux dire, tu viens de dire la date 2023. Tu peux pas dire j'ai C'est pas dit de date. l'année 2023, mais je t'ai dit, moi, ça, c'est Ménard OK. qui disait ça et ça m'a collé dans le corps il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les amis. C'est pour ça que j'ai vendu ma maison avant 2023. Je vous cache pas, ça vient pas de mon petit contact, mais Ménard est un médium hors du commun. Il n'y en a pas bien ben, d'autres comme lui, j'aurais vu aussi intéressant, même s'il y en a qui essayent de faire les intéressants. Ben, quoi que Richard Glenn l'avait annoncé avant, parce que ça fait au-dessus de 40 ans qu'il avait annoncé 2023, puis il avait fait même une conférence avec Bernard de Montréal en 1983, qui était 40 ans avant 2023, où il y avait des références dans le cadre de la conférence à l'année 2023. Puis il faisait une mise en scène avec lui, qui était dans le futur, puis il nous parlait de c'est quoi les événements qui ont eu cours pour se rendre à ce point-là. Je suivais pas Glenn ni mais Bernard dans ce temps-là, fait que je sais pas, mais si jamais tu la retraces, celle-là, envoie-moi là, ça m'intéresse à écouter pour le plaisir. Mais on verra, mais une chose est sûre, c'est que Ah oui, ça ben va, je on va faire l'ai. partie. C'est parce que là, dans le fond, la conférence, je mettrai le lien en bas de l'enregistrement, puis je te la partagerai sur Facebook après notre discussion. D'accord. Non, non, elle est très documentée. Ouais. C'est Bernard, hein? C'est Bernard. En tout cas, on va probablement Les se Bernard, reparler d'ici c'est bien pour qui, 2023, ça? là. Je veux dire, c'est dans quelques mois, là. Ça s'en vient vite, en tout cas. Bon, on se laisse là-dessus, les amis, OK, parce qu'on fait peut que. jaser, on va se compléter ça jusqu'à 22 h, on continue. Et 23 minutes. Non, non, je fais des farces. Non, non, on va conclure. On peut rappeler aux gens qui nous écoutent que si ils ont envie de rentrer en contact avec toi pour faire soit du yoga, du pilates thérapeutique ou même une consultation, c'est possible. Et je vais mettre tes Si je coordonnées t'interromps, en. David, je Oui? m'excuse. Oui, merci, mais pendant que j'y pense, ben, je vais l'oublier. Ça fait plusieurs fois que je me dis. Il y a des gens qui m'écrivent sur mon courriel personnel. Merci, il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir de voir que vous m'écriviez. C'est gentil. Mais je ne me réécoute pas. Je vous le dis, je ne réécoute pas nos enregistrements. J'essaie de ne pas avoir trop de. Je réponds pas aux questions. Mais c'est pas méchant. Je veux pas que vous pensiez que c'est méchant. Vraiment, c'est que j'ai du travail aussi à faire. Puis, je cherche pas à avoir raison en passant. Donc, je veux pas avoir de débat sur t'as dit ça, y a si ça, t'as dit ça. Je suis pas vraiment là-dedans. Puis, ce qui est dit là, je vais l'oublier. Puis, je m'en sers comme dans l'an 40. Demain matin, je travaille. Puis, ce soir, je veux me reposer. Puis, je suis comme tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas méchant. Prenez-le pas personnel. Ça n'a rien de personnel. Puis, j'ai autre chose à faire dans ma vie que de parler juste de conscience aussi, là. J'ai moins envie qu'avant d'en parler aussi, en passant. Ça m'intéresse pas mal moins. Moi, j'apprécie ta franchise. Puis, je te dirais que c'est un petit peu la même chose par rapport à moi en lien qu'au début, je m'intéressais beaucoup au supramental, définir c'est quoi l'âme, l'esprit. Puis, à un moment donné, quand ça fait plusieurs années, tu as l'impression de tourner en rond ou que ce soit toujours à répéter au monde qui te pose tout le temps la question c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit. Au début, bon, ça permet de définir, mais à un moment donné, c'est comme si tu avançais, puis le monde. Il avance pas, ou en tout cas, il y a du monde, ou c'est tout le temps des nouvelles personnes interchangeables qui reposent tout le temps les mêmes questions de base. Là, à un moment donné, ça devient lourd. Puis ça finit par on finit par faire de la philosophie de tout ça. Moi, ça m'intéresse pas tant la philosophie comme l'application dans la matière, dans la forme. Puis la seule question que je me pose depuis plusieurs années, je suis-tu bien ou je suis pas bien? C'est pas trop évolué dans le sens. Mais je sais que parler, le besoin d'échanger, je le vois chez des gens qui commencent en initiation solaire, que c'est fondamentalement important. C'est vrai que tout doit se parler à un moment donné, mais comme tu le dis, ça fait des années qu'on parle. Puis c'est important de parler, mais peut-être trouver des gens avec qui ils peuvent parler avec vous, parce que moi, je n'ai plus vraiment envie de parler. Ça me donne un peu envie de vomir ces temps-ci même. Comme là, je suis nauséeuse, là. C'est assez. On change. Pas que je veux te flusher, c'est pas ça, Non, mais non, j'ai mais tout c'est bien ça. correct. Ça se passe pour moi. C'est que j'ai moins envie de parler et de plus passer dans l'action dans un projet. Un projet, c'est comme accompagner quelqu'un dans l'initiation solaire, parce que les gens qui me contactent, c'est des gens dans l'initiation solaire. Oui, je peux être un bon accompagnateur, accompagnatrice. Je me limite aux gens. Ça prend du monde prêt à bouger parce que c'est du travail. Puis même ça, là, je le fais d'une façon très limitée parce que c'est exigeant pour la personne qui le fait puis celui qui le reçoit. Donc, c'est plus passé dans l'action. C'est ça que je l'appelle en psychologie évolutionnaire quand je pense à quelqu'un en particulier qui, il y a un an et demi, qui était vraiment dans toute cette connaissance, là. Tu sais, la connaissance, c'est une chose, on a compris, on a des informations, mais maintenant, on va appliquer ça dans nos vies. Comment ne plus souffrir de nos vies? Parce que c'est bien beau, on se conscientise, mais si tu souffres comme un malade puis que tu es enfermé dans ta maison parce que tu as un petit système nerveux, ça marche pas, là. pas ça l'objectif de l'initiation solaire, tu sais. Non, exactement. Et c'est sûr que ça prend une intégration pratique, que ce soit pas juste C'est ça. théorique. Non, non, il faut que ça rentre dans la forme, puis dans l'application concrète. Fait que c'est ça. Bon, voilà, je l'ai dit, mais prenez rien de personnel. Je suis une fille super gentille, mais un peu écœurée. Non, non, mais je te comprends, mais ça me faisait penser un petit peu à Bernard de Montréal qui disait quand ça va faire 5 ans que vous étudiez le supramental, vous allez être tanné, là. Tu sais, il y avait déjà, tu sais, dans une conférence. Puis ce que je te dirais présentement, en tout cas, moi, dans ma vie, les concepts de base, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ça devient lassant que une nouvelle personne découvre ça et tout excité. C'est quoi l'âme? C'est quoi l'esprit? Blablabla. Là, tu donnes un peu de réponse, puis bon, elle passe à autre chose. Une autre personne, ah, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit? C'est parce qu'à un moment donné, c'est tout le temps du monde interchangeable qui pose tout le temps les mêmes questions de base. Tu sais, des fois, moi, j'étais délicat, j'ai dit, ben, écoutez tel enregistrement, vous allez avoir les explications. Tu sais, je veux pas élaborer là-dessus une demi-heure de temps, là, en échange texte, ça m'intéresse pas. Donc, C'est ça. C'est ça, on finit par trouver qu'on tourne en rond, c'est ça qui se passe. non, exactement. Par contre, c'est sûr que de discuter avec toi de l'opération militaire ou de la guerre en Ukraine, en tout cas du conflit, ou de parler qu'est-ce qui se passe avec le COVID, c'est parce qu'au fil de nos discussions, on amène des nouveaux éléments. Donc, sur un dossier qu'on fait le suivi au fil des mois, mais si ça resterait toujours de faire une émission dans l'autre, où ce qu'on définit, c'est tout le temps, c'est quoi l'âme, l'esprit, l'ego, moi, je serais tanné, puis probablement que toi aussi, puis on se parlerait plus, là. Sûrement. Ben, maintenant, on sent qu'on a fait le tour, puis il faut passer à l'action. Moi, c'est plus dans l'action. Ça, je dis, je vous explique des petits mouvements que je fais d'action. Mais c'est moi, vous faites ce que vous voulez avec vos Oui, c'est ça, vies. puis il y a Vous différents niveaux êtes d'action. sur quatre. Ouais, c'est ça, il y a différents niveaux d'action. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui va s'entraîner physiquement, suivre des cours de yoga, faire de la méditation. Tu sais, il y a plusieurs choses. C'est sûr que d'un côté, on a Planter des présent... tomates dans mon jardin, ça, ça Exactement, du fait jardinage. ça. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée, Monsieur David et compagnie. À tous. Oui, toi, pareillement, Mona, puis je mentionne aux gens que tes coordonnées là, vont être en bas de la vidéo, comme d'habitude, là, advenant qu'il y ait des gens qui aient envie de rentrer en contact avec toi. Individuellement, il n'y a pas de problème. Écrivez-moi, ça me fait plaisir. Je réponds. Des fois, c'est un peu long, mais je réponds. L'important, c'est de vivre à son rythme. C'est cela, chacun son rythme. Alors, je vous souhaite une belle soirée, tout le monde. Merci. Puis, Namasté. prière, je vous salue. Namasté. Troisième Bye. heure. Bye.